89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Véronique Mire nous en apprendra plus sur la lettre M dans son segment Le Véronique Dictionnaire. Sébastien Duluth terminera son histoire sur Vicky Gendreau dans Va voir, j'y suis. Et Stéphanie Paradis partagera ses plaisirs de la vie dans les petits bonheurs. Assemblage requis, tout de suite. Comme vraiment pas tout seul à trouver que je suis pas assez prêt le mercredi matin. On dirait que c'est l'émission où je suis pas prêt à faire l'intro. Milieu de semaine? Milieu de semaine, ça doit être ça, c'est la bosse, comme ils disent. Hump day. Oui. Oui, c'est après des gags de doigts et de viols juste avant nous, dans la rediffusion Assemblage prérequis. ça fait peur. Et j'ai demandé à Ingrid, quand je suis arrivé, t'es déjà arrivé. J'ai demandé à Ingrid, j'espère que t'as pas été trop offusqué par ma blague de mauvais goût. Je l'avais pas entendu. C'est ça, elle l'avait pas entendu. Finalement. T'as mis les pieds dans les draps? Ouais, ben j'ai raconté, fait que oui. Les pieds dans les draps? Les pieds dans les draps. Ça les pieds dans les plats, puis dans de beaux draps. Ouais, c'est mélangé ensemble. Exactement. Dans de beaux plats. Dans de beaux plats. Quand tu dis, mais toi, je suis dans de beaux plats, tu sais. T'es allé magasiner du Tupperware, quelque chose. Là. Ben oui. Je sais pas. Donc aujourd'hui, à l'émission, on a un plan très sympathique à vous proposer. À 8h, Véronique Mire et sa chronique Le Véronictionnaire. Elle va nous présenter la lettre M. M, évidemment, comme dans malaise. Comme dans myope. Myope. Morbide. Malade. Malade. Non, on l'a pas dit, j'avais dit malaise. Mais on a trouvé quelques-uns, donc on va voir si elle va les faire dans le Véronictionnaire tantôt à 8h. Ensuite, à 8h30, Sébastien Duluth et la chronique avec un nom que même si ça fait 5 ans qu'on le dit, de la misère à dire encore, va voir ailleurs. J'y suis. Parenthèse, j'y suis. Les parenthèses sont bien importantes par contre. Ensuite de ça, ça va être la dernière partie en passant de Vicky Gendreau. Ça fait, c'est la troisième chronique, donc ça fait littéralement un mois et demi qu'on parle de Vicky Gendreau. Oui. Ça va finir, et bien ça va finir de façon très très triste aujourd'hui. Donc quand même. Préparez votre boîte de mouchoirs en voiture. Oui. Ça pourrait vous empêcher de conduire un peu, là. Les larmes à l'œil comme ça. Ensuite de ça, à 9h, Stéphanie Paradis sera de retour encore une fois pour sa chronique Les Petits Bonheurs qui est fait aux deux semaines en alternance avec le Zone Campus. Donc c'est son côté givré aujourd'hui. Du mini wheat. Mini wheat. Véronictionnaire. Mini wheat. M. Oh, ça a pris un petit bout avant de la comprendre. Miam miam. Menum menum. Miam miam miam. On a aussi plein d'autres choses autour de ça, mais pour l'instant, on débute en musique avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Oui, on va aller écouter Random Recipe et Joy. Yeah, raise the roof. Ça va bien partir, ça. Taking its time, maybe it's lost its way. It hurts to fake me a smiling thing to you this way. I close my eyes and hope for a dream once, 'cause I never cry. Brushing obsession, we're choking the lights, finding umbrellas to rain on laughs. It's pouring like whiskey on them on and out, but no reason to grasp and reason it out. Lost again, flooding dead ends. Too many friends, one or two in the end. Empty bed filled with emptiness, making love to the walls, forsaken hearts. Running, screaming, feet are stuck. Mouth is open, there's no sound at all. Nightmares repeating, you try to wake up. Shaking your head till the boat stops. They say that all is fine, but you're my hearse, and you smart to invert lots. I'm a beater, and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I make you drip like a king with no crown. They say that all is fine, but you're my hearse, and you smart to invert lots. I'm a beater, and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I make you drip like a king with no joy. It's simply delayed, it will come one day. It's late. It's taking its time, maybe it's lost its way. Dream was 'cause I never cry. When you see black, watch your back. le nouveau CD de Random Recipe avec Joy. Ça va être quelque chose, ce CD-là. Mais ça va être bon en tabarnouche parce que c'était là. Ça va faire... C'était là, de la vague. Oui, ça va faire de la vague. On est en train d'expliquer les trucs d'examen génital pour la femme, parce qu'évidemment, c'est avec Ingrid Arneberg pour la chronique La course au trésor qui s'en vient juste là. Oui. Et là, on s'est inventé des symboles pour quand tu dois aller faire un examen dans le... Bon, donc dans l'entregent féminin. Ouais. Un examen gynécologique. Ah! Donc, tu as le piece, deux doigts. Oui. Okay. Tu as les ciseaux qui sont deux doigts à l'envers. Tu as la promesse, deux doigts croisés. Le marteau piqueur. Marteau piqueur, c'est... qu'est-ce que tu as aussi? Tu as le petit ver de terre. Oui, et la vague. La oui. vague, oui, c'est ça. Puis avec le... La chose que j'ai dit tantôt, le bouchon. La promesse. Là. Oui. Tu as aussi, tu as Yamaska, les Grecs. Tu as O. T'as le banquier. Toutes les émissions de TVA sont des symboles gynécologiques. T'as Spock. Spock, oui, évidemment, évidemment. T'as l'église aussi. Ah oui, l'église. Le dépense, où est-ce qu'il faut se rendre? Ouais. Le Spock fait pas l'unanimité, je pense. La course au trésor. Salut Ingrid Arneberg. Bon matin. Ça va? Oui, beaucoup bien. Oui, bon, on est content de te recevoir à chaque semaine pour la course au trésor, qui est la chronique sur, en fait, plein de choses. C'est plus large qu'on l'a pensé au début, mais c'est entre autres les enfants, les parents, la périnatalité, la grossesse. Ça englobe bien des choses, la course au trésor. Effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, ton sujet, me dit-on, est le suivi sage-femme et ses bénéfices à travers le monde, la Suède et... Les autres tactiles. Textiles. Le Québec. Le Québec, excuse-moi. Tactile, textile. C'est une blague de tissu. C'est Suède, le tissu Suède. Ça m'a pris une nuit pour la comprendre. J'avais dit sur Internet à l'avance que je la ferais, tu sais. Tu vois, c'est ça, quand tu pratiques ta blague, t'as sort mal. Oui. Il faut être spontané. Oui, spontané. Spontané, comme ça. Oui, comme la promesse. Oui, exactement. Je suis content que tu l'as compris. J'aurais tellement dû jamais vous apprendre ça. C'était très drôle. Imagine, là, tu vas pouvoir maintenant nommer tes tests gynécologiques. Tu vas pouvoir les nommer en l'honneur de les symboles que je t'ai montrés. Les filles, j'ai une promesse, là. Ouais. Tout ouverte à la promesse. Puis à chaque fois qu'ils vont avoir un test, ça va faire votre test gynécologique, qui est une présentation d'assemblage requis. Oui, non. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente le test gynécologique. D'assemblage requis. On arrête ça, parce que c'est sérieux, là, c'est quand même le suivi sage-femme, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Ben oui. Non, c'est vrai, les sages-femmes, c'est reconnu mondialement. Elles sont utilisées mondialement en gynécologie, mais beaucoup moins en Amérique du Nord. C'est une culture qu'on a presque pas en Amérique du Nord, tandis qu'en France, c'est inclus d'office, en Angleterre. C'est un métier qui n'a jamais disparu, tandis qu'au Québec, ça a disparu. Et il y a une étude qui vient de sortir. C'est une équipe qui a été dirigée par une chercheuse du King's College de Londres. Elle s'appelle Jane Sandall. Elle a épluché 13 études recoupant au total 16 242 femmes. Il y a 8 études qui portaient sur les femmes ayant une grossesse normale, puis 5 sur les femmes ayant une grossesse à risque. D'accord? Et ce qui en ressort, c'est que les femmes enceintes qui ont un suivi par des sages-femmes du début à la fin de leur grossesse sont moins susceptibles d'accoucher prématurément et au moins besoin d'intervention médicale selon cette étude-là. Donc, c'est très, très bon pour toutes les sages-femmes dans le monde. Puis c'est encore meilleur pour les sages-femmes du Québec de pouvoir sortir cet argument-là. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, en France, elles sont 12 000. Au Québec, on est 166. Oui, quand même. Fait que c'est très différent. Bon, en France, ils n'ont jamais arrêté d'exister. Nous autres, on est illégal depuis 99. Ah, pour vrai, je ne savais pas que c'était illégal. C'était allégal. Allégal, c'est pas la même chose. C'était pas illégal, c'est pas légal. OK. C'est zone grise. Zone grise. Très zone grise. Oh mon Dieu, le thème de la pratique sage-femme au Québec. Oh non. Vraiment. T'as mis le doigt sur le bobo. Ah oui. Le doigt. Vraiment oui. Dessus. Non, tu joues avec les zones grises. Une grossesse, c'est jamais comme dans les livres. Ça n'existe pas. Mm. Chaque individu est individuel, blablabla. Et autre bullshit de même. Non, et unique, là, mettons. C'est ça. Et unique. Spécial, différent. Particulier. Donc, ça va s'exprimer de différentes façons, à différents moments, et voilà. Donc, on tend à normaliser des choses qui sont pas nécessairement normalisables. OK. Voilà. Donc, cette étude-là, elle a également affirmé que, faut savoir qu'une grossesse, c'est de 37 à 42 semaines selon l'OMS. Donc, ça, c'est une grossesse qui est à terme. Entre 37 semaines et 42 semaines, tu peux accoucher, ça va être à terme. On dit qu'une grossesse, habituellement, est de 40 semaines. ça va vous aider pour ce qui s'en vient. Okay. selon on l'étude, prend des notes. Oui, ben, l'étude a montré que les femmes étaient moins susceptibles de perdre leur bébé avant 24 semaines ou d'accoucher avant 37 semaines lorsque les sages-femmes étaient les principales responsables de la grossesse. Ça, c'est toujours en épluchant là, ces 13 études-là. Les mères étaient aussi plus satisfaites des soins reçus et elles ont besoin de moins d'épidurales et d'épisiotomie. Elles sont pas plus susceptibles d'accoucher par césarienne quand elles ont un suivi sage-femme, mais en moyenne, leur travail a duré 30 minutes de plus. Ce qui n'est pas énorme, là, on va s'entendre. Donc, les chercheurs en sont venus à la conclusion que toutes les femmes devraient être encouragées à faire appel à une sage-femme, sauf en cas de problèmes médicaux ou obstétriques. T'sais, quand on parle d'une grossesse à risque, là, ça peut être aussi bête que des jumeaux. Okay. C'est considéré comme une grossesse à risque. Là. C'est pas que tu vas exploser et tu risques de mourir à tous les moments. Là. C'est juste que il y a un facteur qui est à surveiller, qui est plus important. Ouais. Mais, un petit je ne sais quoi. Ouais. Quelque chose en plus. Et les conclusions de l'étude ont été publiées dans Cochrane Library. Si vous ne connaissez pas Cochrane, c'est des méta-analyses. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent plusieurs études qui ont été faites de côté avec un même sujet et ils en ressortent des conclusions en une seule. Donc, c'est comme il prédigère plein de trucs. Donc, c'est vraiment bon ce qu'on fait. Non, mais c'est 13 études qui prouvent que la pratique sage-femme est efficace. Donc, quand c'est sorti, ça vient de sortir, là, il y a quelques semaines, on jubilait là, au Québec. Les sages-femmes, là, ça sortait partout sur Facebook, ça. Là, parce que même s'il y a seulement 160 quelque chose sage-femme en tant que tel, il y a des gens qui étudient là-dedans. Est-ce qu'il y en a plus que juste c'est la Trois-Rivières? Est-ce que le total de gens qui sont en pratique sage-femme, c'est plus que 160 quelque chose? Au Québec, non. Au Québec, ça se donne que à l'UQTR. OK. C'est un programme qui est exclusif à l'UQTR et cette année, ils en ont pris 16. Wow. Il y a 16 étudiantes, ouais. Nous autres, on est 22. OK. 22 étudiants. Ouais. Mais 3 enceintes. 3 enceintes. Okay. Ça donne envie d'avoir des bébés. Ça doit, hein? En tout cas, il faut être bien entouré, c'est ça? Ça, c'est certain. Ah, ouais, ouais. Non, ça, c'est clair. Puis, c'est bon, t'as comme ton suivi sage-femme, c'est le fun. Bref, voilà. Il y a aussi en Suède, qui est un modèle très, très particulier. Le modèle de pratique en Suède, c'est exclusivement avec des sages-femmes. T'as 8 visites, une échographie, le tout, puis c'est sous l'autorité exclusive de la sage-femme. En aucun cas, tu rencontres un médecin, sauf si la sage-femme détermine que tu as besoin de rencontrer un spécialiste. Okay. Donc, c'est très basé sur l'empowerment puis l'autonomisation de la femme. C'est vraiment, c'est à toi de poser tes questions, c'est à toi de te prendre en charge, c'est ta grossesse. Tu fais ta recherche, tu lis là-dessus toi-même. Ils disent que vraiment, pour eux, en Suède, la grossesse, c'est vraiment un état normal et tu ne devrais pas être considéré comme si tu étais malade, mm-hmm. qui est vraiment normal. Comme dans là, un hôpital. Mais non, c'est ça, t'es savez-vous que les femmes enceintes, c'est les seules personnes qui sont pas malades, qui sont hospitalisées à l'hôpital? Pensez-y. Fait qu'on les met avec des gens malades, finalement. Pour qu'ils tombent malades. Ben, dans une aile spéciale, mais c'est vrai que quand même, les infections nosocomiales, là, c'est-à-dire celles qu'on attrape à l'hôpital, sont quand même... C'est quand même plus à risque. Ben oui, mais tu sais, chez vous, là, ou dans une maison de naissance, où il n'y a presque pas d'accouchement, ou chez vous, là, c'est tes microbes, là. Comment tu peux être malade avec tes microbes? Petite réflexion ce matin. Ouais, ça a bien le sens, hein? Ça a bien le sens. Il y a l'ONG Save the Children qui dit que la Suède est le deuxième meilleur pays au monde où devenir mère, où il fait bon devenir mère. C'est derrière la Finlande et la mortalité néonatale et maternelle est extrêmement basse. Donc, c'est 1,5 pour 1000 au niveau de la mortalité néonatale des bébés et c'est 3,1 pour 100 000 naissances de mamans qui meurent. C'est faible, mais faible, là. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est les très, très bonnes statistiques. Pendant la grossesse, c'est une sage-femme qui va être responsable de la santé de la femme enceinte et de son fœtus. Puis c'est le seul suivi proposé et pris en charge. Donc, tu ne payes pas. Et c'est... Excuse-moi. et c'est vraiment le seul suivi qui est proposé. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu rencontres une sage-femme, puis si elle détermine que tu as besoin d'aller voir un autre spécialiste, tu vas aller en consulter un. Donc, ils font vraiment la première ligne qui s'occupe des cas normaux, puis la deuxième ligne qui s'occupe des cas pas normaux, ce qui devrait toujours être fait. Oui, c'est ça. Ouais, et ils sont chargés des soins pris par poste, là, comme depuis toujours. C'est sûr qu'il y a un petit désavantage, c'est que les femmes vont se sentir un peu moins accompagnées. Des fois, elles se sentent que c'est plus distant ou c'est un peu plus différent. Tu sais, j'ai pas vraiment d'espace, faut vraiment que je me prenne en charge. Tu sais, faut vraiment que tu t'informes, là. Ce qui est bien aussi, ça fait réduire les coûts. Là. Ce qui en sort de cette pratique-là, c'est que c'est des coûts qui sont très, très bas. Mm-hmm. C'est très, très bas, les coûts qui sont liés à ce type de pratique-là. Les interventions sont très, très basses parce que même à l'accouchement, c'est la sage-femme qui est en charge jusqu'à ce qu'elle considère qu'il faut que j'aille voir un médecin. Donc, elle n'est pas sous la charge d'un médecin. Elle va chercher une expertise. Donc, c'est fascinant. Là. Ça fait des coûts très, très bas, dans les plus bas au niveau de la gestion de la santé au monde. Voilà. Bon. C'est surtout qu'il disait que c'est les pays où il y a un médecin qui suit la grossesse ont tendance, sans toujours avoir un fondement, à multiplier les tests, les échographies. Ça ouvre la voie à l'argent facile parce qu'ils sont payés à l'acte. Mm-hmm. On peut se demander au Québec si c'est vraiment 70% des femmes ont besoin de péridurale. On a tendance à le prendre comme choix par défaut, l'épidurale. Il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. C'est peut-être la façon facile. Ils veulent pas avoir mal. Ils savent, ils ont entendu parler de gens qui avaient eu mal, donc ils se lancent là-dessus. Mais c'est comme dire pourquoi j'aurais mal. C'est pas. J'ai le droit de ne pas avoir mal. J'ai le droit d'accoucher puis de rien sentir. Et tout. Puis c'est particulier de dire non, au contraire, cette douleur-là, elle est utile, elle est nécessaire. Ça fait partie de la beauté accoucher, de la chose. Ça fait mal. Même quand tu as une péridurale, tu vas avoir mal pareil. Parce qu'ils ne posent pas la péridurale tout de suite. Okay. Faut que tu vas tu as certains critères à accomplir. Pour pas que parce que la péridurale, si c'est posé trop tôt, ça fait arrêter le travail, ce que tu veux pas. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment. C'est super utile, la péridurale. Je veux dire, c'est une technologie qui est très intéressante. C'est juste que les sages-femmes au Québec trouvent qu'elle est utilisée trop fréquemment. Un peu comme les antibiotiques, finalement. Oui. Mm-hmm. Ben, c'est surtout que c'est comme j'ai le droit à mon accouchement sans douleur. Mais non. J'ai le droit à ça, juge-moi pas. C'est que ça n'existe pas, l'accouchement sans douleur. Puis c'est que les femmes ne s'informent pas. C'est sortez-le de moi. Je veux juste mon bébé. C'est comme les femmes ne s'informent pas, les femmes ne se renseignent pas. Fait que c'est un petit peu triste, en tout cas. Au Québec, dernier point, la pratique illégale depuis 1999, j'en parlais, c'est seulement 2% des suivis qui sont faits par des sages-femmes au Québec. Le gouvernement vise 10% parce qu'on coûte vraiment pas cher. C'est ça, beaucoup moins cher que le système normal. Un suivi sage-femme du début, là, de genre 12 semaines à 6 semaines après la naissance, c'est 4 000 $, l'accouchement compris. Est-ce que tu sais c'est combien pour le système, une grossesse en hôpital, pas vraiment? 4 000, ça doit couvrir à peu près l'accouchement. OK. Pas le suivi, rien. OK. Mm-hmm. Puis, tu sais, l'accouchement, je sais pas à quel point, là, parce que ton médecin est payé à l'acte. Là, faut que tu payes ta chambre. Faut que tu payes la chambre parce que les femmes sont quand même hospitalisées 36 heures. T'as vraiment... Puis c'est hospitalisé, là. C'est... On dit, on les garde. Non, tu l'hospitalises, tu la rentres dans le système. Là, Puis, tu sais, si elle utilise l'épidural, si les forceps sont utilisés, si les ventouses sont utilisées. Dès que tu ajoutes un médicament, tu sais, si t'as du pitocin, mais t'as plein d'autres choses qui embarquent. C'est tout plein une cascade d'intervention, fait qu'une cascade de coûts aussi. Ouais. Je te pose une question, en tout cas, que je te regarde, puis t'as l'air d'une fille qui saurait la réponse. Là, tu viens de mentionner le mot épidural, comme j'ai fait tantôt, et t'as dit aussi péridural pendant le. Juste un petit peu avant. Il y en a un qui est en anglais. Il y en a un qui est en anglais. Péridural, puis épidural. Épidural est en français? Oui. Je pense que oui. D'accord. Péridural, en France, si je disais épidural, ils comprenaient rien, puis si je disais péridural, ils comprenaient. C'est un peu comme. C'est un P, là. C'est stationnement parking. C'est ça. Non, c'est un P. Mais en France, c'est sûrement genre dural en folie, parce que c'est tout le temps en folie ou quelque chose comme ça dans leur film. Fait que j'imagine que c'est. C'était le fun. Écoutez pas. Au Québec, c'est 26% de la population qui demande un suivi sage-femme, mais c'est 2% qui en a. Mais si tu regardes Nicolet, c'est 10% de la population qui en a. C'est Montréal qui fait baisser les statistiques. Ah, okay. Provincial. Mais, Québec aussi. Non, je te laisse continuer, je ne vais pas te couper. Non, vas-y pour cette question. Est-ce que tu penses que le fait que des vedettes locales, comme mettons, c'était qui? Marie Wolfe, je pense que. Marie Wolfe, Guillaume Lemaitre-Vivien, je vois, qui ont accouché. Est-ce que ça va faire que plus de gens vont demander une sage-femme? Ben, tu vois. Une sage-personne. Il y a des vidéos où est-ce que tu avais des. Faut pas que ça devienne quelque chose de trendy. Mode, hein, c'est, là. C'est pas, t'accouches pas parce que c'est fashion. Parce que Marianne de Randam a de le faire. Non, c'est Manolo, ça. Manolo, il regarde la caméra puis il fait comme hey, j'ai assez hâte. C'est pas ça. Non, faut vraiment que ça devienne. Faut que ça vienne de toi parce que sinon, tu seras pas satisfait du suivi sage-femme. Mm. Tu sais, un suivi sage-femme au Québec, c'est faut que tu sois prête d'assumer tes décisions. Mm. Puis de prendre des décisions. Parce qu'on va te proposer plein de trucs, puis c'est à toi de prendre la décision. Si toi, tu veux te faire prendre en charge, va à l'hôpital. Puis c'est bien correct de vouloir se faire prendre en charge. Je veux dire, c'est pas 100% de la population qui veut un suivi sage-femme, c'est 26%. Donc, ça correspond pas à tout le monde, ou c'est pas tout le monde qui est au courant aussi que ça existe et tout. Il y a juste 13 maisons de naissance au Québec, là. C'est pas beaucoup. Est-ce qu'elles sont toutes dans le même coin ou est-ce qu'elles sont bien comment dire? Montréal, il y en a 3. Okay. Québec, dans la grande région de Québec, avec Lévis, il y en a 2. Il y en a une à Mont-Joli. Mais tu vois, la Côte-Nord n'est pas desservie. Il y en a une qui vient d'ouvrir au Saguenay. Mont-Joli, c'est tout pour la Gaspésie. C'est rien, là. C'est au port de la Gaspésie, Mont-Joli. Ça va être comme un tour de vitesse. Ça va finir par ça. Tu sais, Montréal, il y en a 3, mais il en manque, là. Il y en a une qui vient d'ouvrir en Montérégie. Il en prendrait 2 autres. Tu sais, ça ouvre au compte-gouttes, c'est long, c'est compliqué, les étudiants ne sortent pas assez. Ils ne pourraient pas en ouvrir 4 demain. Ils ne seraient pas capables de combler les postes. Donc, c'est vraiment, ça ouvre au compte-gouttes, puis tranquillement, on les remplit, puis les équipes se font, puis tout. On est juste 160, là. Donc, puis les étudiants sortent au compte-gouttes parce qu'il n'y a pas beaucoup de places de stage. Non, c'est ça, parce que ça va être difficile quand tu es 160 personnes avec ces endroits-là éloignés. Il va falloir faire ton stage très, très loin de chez toi, déménager. Oui. C'est pas le fun, ça? Moi, j'étais à Blainville, je viens de Québec, là. Présentement? J'étais à Blainville. OK, OK, t'es revenu à Trois-Rivières. Avec Marie-Lou Wolfe, avec Salomé Leclerc. Salomé Leclerc. Salomé Leclerc, ma belle Salomé Leclerc. Qui joue dans Unité 9, je sais plus. Moi, je la connais comme chanteur. Ah, pas Salomé Leclerc, Salomé Corbeau. OK, ouais, je l'aime. Excuse-moi. Ouais, cool. La fille d'improvisation du Merci, en fait. Ouais, sûrement. Mais bref, ces filles-là, ils ont accouché en maison de naissance. Voilà. Merveilleux. Fait que, bref, au Québec, là, on dit que les sages-femmes, là, suite au projet pilote, là, les projets pilotes qui ont été faits dans des années début 90 à 99, parce qu'ils voulaient savoir là, que le gouvernement, c'était dangereux avant de légaliser la chose. Mm-hmm. Bon, ben, c'est normal en même temps. Ouais. Ben oui, c'est bien correct. Là. Les projets pilotes qui ont démontré qu'il y avait 4 fois moins de forceps avec des sages-femmes, 8 fois moins de ventos, 5 fois moins d'épisiotomie, 2 fois moins de césarienne. Il y avait une réduction de plus de 70% des déchirures du 3e et 4e degré. Ils ont trois fois moins d'hospitalisations en cours de grossesse. Ils ont une durée de séjour hospitalier à l'accouchement de moins de 24 heures pour les clientes des sages-femmes versus 2 jours à 3 jours des clientes chez des médecins. Il y a près de 2 fois moins de prématurés. Il y a près de 2 fois moins de bébés de faible poids. Puis les clientes sages-femmes ont un taux d'allaitement de plus de 98%. Quand même, c'est beaucoup de facteurs en même temps, ça. Oui, on a montré. Puis tu sais, les soins de maternité, c'est compte pour une partie importante des budgets hospitaliers parce que l'accouchement est la deuxième raison d'hospitalisation dans les établissements de santé. Les actes obstétricaux demeurent le deuxième acte médical le plus fréquent dans les installations hospitalières de soins généraux et spécialisés. Puis l'accouchement et la césarienne sont au nombre des 5 actes chirurgicaux les plus coûteux. C'est une rémunération à l'acte. Voilà. Puis c'est la première cause d'hospitalisation des femmes en âge d'enfanter l'accouchement. Donc, les sages-femmes, là, quand tu regardes globalement, là, c'est très avantageux, autant au niveau gouvernemental, au niveau des coûts, qu'au niveau de la santé des femmes et des enfants. Faut juste que ça se diffuse. Comme c'est ça, exactement. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand désavantage. Donc, puis là, c'est sûr, tu sais, je suis étudiante sage-femme, fait que c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Je prêche pour ma paroisse. En même temps, ils t'ont convaincu aussi. Là. Fait que c'est eux autres qui ont prêché pour t'avoir dans leur paroisse. Oui, quand même. Ma mère, elle a accouché avec une sage-femme en 89. C'était illégal. Okay. C'était ma soeur. Elle est née à la maison. Donc, pour moi, ça a toujours existé. Là. Puis c'était politique accoucher pour ma mère. Là. Elle a accouché avec une sage-femme. C'était politique. Donc, c'est un désir des femmes. On existe parce que les femmes nous l'ont demandé. Donc, on est revenu parce que ça devient des femmes. Alors, cette profession existe encore parce que c'est les femmes qui l'ont demandé. Voilà. Ben voyons donc, c'est le fun, ça! Oui! Ben oui, encore une fois, on apprend tout le temps des choses dans cette chronique La course au trésor avec Ingrid Arneberg. Et on te retrouve toutes les semaines, les mercredis à 7h35 environ. À peu près. Pour le début d'émission, là. Ben oui. On prend le temps qu'on dise bonjour. C'est ça. Hey, on va pas juste commencer en chronique, puis comme même pas dire bonjour. Ben c'est ça. On est poli. C'est un minimum. Comme là, on va pas genre te quitter sans te dire au revoir, puis merci, puis... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, même pas la même heure. On continue en musique avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Jason Bahada. Oui, avec Année de Montgolfière. Année de Montgolfière. Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles d'un drôle de titre, toi. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est l'année de la Montgolfière. Hein? C'est un nouveau signe chinois. Ah oui? Oui. Baratabar, je pense aussi. C'est l'année de la Montgolfière. Ouais. De Banta. Banta qui a été. Nouveau signe. C'est les signes québécois. C'est dans la radio en fait. Le soleil sur le point d'éclat est une épanche suppliant qu'on le sort. Nous maquillons les morsures d'hier. Nos parachutes nous suivent derrière. et traîne nos armes qui ne servent plus à rien. Gonflons nos têtes pleines d'air comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. L'or emporte conseil malgré une mise en scène. Nous sommes prêts pour le concert qui guérira nos cancers. Nos yeux franchissent l'horizon, qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche. Nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines d'air comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines d'air comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. Leur amour te conseille malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le cancer qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Nous sommes prêts pour le cancer qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Jason Bajada avec Annie de Montgolfière. Bah, j'adore! J'adore ça! Oh, oh. J'adore ça! Oui, au retour, le Véronique Sénère avec Véronique Mie, restez là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 9 octobre. Belle journée ensoleillée. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on aime ça, nous autres, une journée ensoleillée avec la barre de soleil d'en face. Ça va bien jusqu'à maintenant? On me voit bien la face quand même à la radio? Oui. Les caméras sont bien anglaises sur... oui. Sur moi? Un petit peu trop de contraste. Parfait. Ben moi, je vais virer le spotlight. Oui, j'ai le brightness. Oui, je vais virer le spotlight ça, oui. Vers Véronique Mire et son Véronique Sionnet. Oh oui! Bon matin! Bonjour à toi! Bonjour! Elle fait un peu frais dehors aujourd'hui. C'est hein? Frisquet, c'est du givre presque, ça. Hein? Presque, givre. Presque. C'est givre, c'est comme un mini-wheat. Comme... Oh! Oh! C'est volé de la maudite! Mini-wheat! J'ai pas le temps de la plugger. C'est M, on a essayé au début de l'émission de trouver des mots comme toi. Oui, j'ai pris des notes parce que j'ai toujours une liste effarante hein, de trucs à vérifier. Ben oui, là, je me suis dit, Monopoly, ben voyons donc, comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Mais bon, je vous annonce en primeur que la lettre M sera coupée en deux. Et voilà. Oh oui, wow. Parce qu'il y en a tellement, j'avais une page recto verso de mots à vérifier, de vérification, de recherche à faire. Ça va être coupé en deux comme un, et là, un mot qui commence par M, c'est coupé en deux, une mini-quiche que tu veux séparer en couple. Une mini-quiche. Une mandarine? Oui, encore. Un mini gâteau fondant au chocolat. Tu réutilises le mot mini, c'est copyright. Ok. Alors, On passe. Donc mon premier M, c'est manga. Je trippais là-dessus quand j'étais jeune, ça a fini par arrêter. Ah, ben peut-être te donner le goût de revenir. Faudrait. Qui sait? Ouais. Donc, manga qui vient de ga, qui signifie dessin, peinture, et man, qui signifie involontaire, divertissant, sans but, mais aussi exagéré, débordé. Une chance, c'est pas manga, man comme dans un homme, puis gars comme dans un gars. Effectivement. Puis, ben, en fait, c'est inversé, hein, parce que c'est ga qui veut dire dessin, puis man qui veut dire dérisoire et tout. Ça serait lisse, ça s'appelait un gaman. Oui. Gaman. Il me semble que... On dirait, ça fait comme... Gaman, il y a ça dehors. Ce serait pas super. Ouais. Fait que manga, qui veut dire image dérisoire ou dessin non abouti. Le terme existe depuis la fin du 18e siècle quand même. Donc, déjà là, on faisait un peu des caricatures de différentes scènes. Mais associé à la bande dessinée, ce n'est que depuis le 20e siècle. Donc, quand même, l'association à la BD. Celui qui dessine les mangas s'appelle un mangaka. Mangaka. On rajoute K-A à la fin. Et les mangakas sont soumis à un rite de parution qui relève aucunement de leur désir. Là. OK, ils ont des deadlines, puis c'est stressant. Oui, c'est un gros métier là-bas. Si le manga est très, très, très populaire, même les mangakas vont embaucher des assistants qui vont reproduire leur style, okay. Qui sont entraînés et tout. Donc, parfois, c'est même pas eux-mêmes qui vont faire tous les... Hey, j'ai failli manger mon micro. Le micro m'attaque, bon. Et voilà. Ils ont un centre à la fraise. Mais par contre, évidemment, que si c'est peu connu, même si le mangaka trippe sur son produit, ben c'est fini. Donc, c'est vraiment en fonction de la... comment on dit ça? La réception du public. Mm-hmm. Voilà. Le mangaka le plus connu, qui est aussi le dieu du manga au Japon, et la party a pogné d'abord, s'appelle Osamu Tezuka. C'est lui qui a créé Astro. Oh, le petit robot! Oui, Astro Boy. Donc, et en fait, c'est lui aussi qui a donné au manga... Leurs grands yeux tristounets, là. Parce que lui était un grand fan de Disney et surtout de Bambi. Les petites biches, ben oui. Et oui. Donc, c'est lui là, qui a apporté ces yeux-là. Et puis, il y a un prix, le prix Tezuka, qui est remis à chaque année depuis 1971 au meilleur mangaka japonais. On voit aussi que les mangas, bon, les dessins sont moins statiques. C'est plus comme le cinéma américain parce que les Japonais sont fascinés par la culture américaine. Puis il y a des choses comiques qui se passent par les yeux, justement, qui sont très expressifs. Donc, par exemple, l'étonnement, en fait, l'évanouissement, ça va être une croix qui va remplacer les yeux. Aussi, bon, quand un personnage est très, très étonné, bon, ben il va tomber à la renverse. Des fois, on voit ça, puis on se dit, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai-tu manqué la brique à quelque part? C'est juste l'étonnement. Ou quand ils sont très, très excités, là, très énervés, les personnages, ben ils vont saigner du nez. Et des fois très abondamment. Donc, au début, quelqu'un qui lit un manga, c'est que c'est ça. Ben, c'est juste parce qu'ils sont très, très énervés. C'est un peu comme quand ils pleurent puis que ça déborde de partout. Oui, c'est ça, oui. C'est exagéré. Puis quand ils dorment, il y a comme une genre de petite bulle de morve en dessous de son nez, genre en place de mettre des Z. C'est ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très. C'est autre chose. C'est bizarre, donc, c'est à force d'en lire là, qu'on s'habitue. Donc, évidemment, puisqu'ils sont fascinés par la culture américaine, les personnages vont avoir beaucoup des traits occidentaux, un samouraï roux, un enchanteur avec des yeux bleus. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Puis, il y a beaucoup de jeux avec le lecteur. Donc, un mangaka va faire de la pub pour ses propres mangas par ses personnages qui vont dire « Hey, avez-vous lu telle chose? » Ou les personnages vont ramasser des phylactères, donc les bulles là, qui s'appellent des phylactères, sur le sol. Donc, il y a beaucoup de jeux... dans les mangas. Donc, évidemment, on les lit à partir de la fin, sinon ça n'aura pas de sens. Mm-hmm. Oui. Ben, y en a qui sont écrits ou qui sont plutôt... de nos jours. Oui, revus pour nous, là. Gauche à droite. Occidentaux, ouais. Mais si vous voulez vraiment les lire puis vivre le truc là, au complet, ben c'est mieux de les prendre du sens inverse. Droite à gauche. Ouais. Oui. Donc voilà, pour les mangas, c'est tout. Génial. Mm. Mario Bros! Oh! Je pensais pas qu'elle allait faire notre mangui préféré. Oui! Donc en fait, c'est seulement quatre points importants que j'ai relevés de Mario Bros parce qu'on en connaît pas mal déjà sur lui. Donc, saviez-vous que Mario Bros, à la base, devait être un charpentier? Et non un plombier. Puis là, à un moment donné, ils se sont mis à regarder, coudonc, ils se promènent dans des tuyaux, il y a une salopette, des bretelles, une casquette. C'est pas un charpentier, finalement, c'est un plombier. Donc, ils ont décidé d'en faire un plombier, puis ils l'ont donné la clamolette, puis tout ça. Au départ, Mario Bros s'appelait Jumpman. Mm-hmm. Et non, Mario Bros, dans à cause de Donkey Kong, exactement. C'est le jeu Super Mario qui a popularisé le jeu de défilement horizontal. Donc, Mario Bros, pionnier. Avant, c'était écran par écran quand t'avançais de... Oui, c'est ça. Hein, ouais. Tu passais d'une case à l'autre, comme dans les Ninja Turtles. Oui! Puis, finalement, on s'en rend moins, plus ou moins compte, mais l'action a tout lieu dans New York. Ah, OK. Donc, en fait, si on veut la plomberie, les tuyaux et tout ça, le créateur de Mario Bros voyait tout ça dans New York, d'où ce que je disais, la fascination des Japonais pour la culture américaine. Ah, ça, donc, je savais pas ça. Non. Ah, yeah, vous avez quelque chose. Voilà. Donc, c'était mes 4 points sur Mario Bros. Mario. Un autre personnage plus féminin, commençant aussi par M. Mafalda. Non. Qui a été repris par Walt Disney. Minifée. Non. Pas le droit. Si je vous dis Supercalifragilisticexpialidocious. Oh, Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. Eh oui. Donc, Mary Poppins, un personnage d'un roman d'une Australienne, Pamela Lyndon Travers, qui a commencé à écrire les livres en 1934. Walt Disney découvre Mary Poppins en 1940, soit par sa fille qui entendait rire. Bon, il y a plusieurs possibilités. Là, soit qu'il entendait rire dans sa chambre, puis il a demandé « C'est quoi que tu lis? » Puis elle a dit... c'est ça. Ou encore, ben, il a vu aussi sa femme le lire, puis elle a dit « Tout le monde dans la famille l'a lu, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose avec ce livre-là. » Donc, il s'est rendu compte que ça pouvait être une possible intéressante mine d'or, Mary Poppins. Donc, il s'est mis à approcher un peu l'auteur, Pamela Lyndon Travers, puis il s'est rendu compte que c'était une auteure assez revêche, une femme plutôt difficile, pour être gentil, qui voyait pas qui pouvait bien rendre justice à son personnage au cinéma. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été amenée à déménager à Manhattan. Donc, il a sauté sur l'occasion et a envoyé son frère Roy. Roy Disney, ben, j'imagine, là, parce qu'on dit pas roi. Roy Disney. Roy Disney. Pour essayer de la convaincre. Mais elle voyait encore moins comment son personnage pouvait être une bande dessinée. Hein, parce qu'à la base, Walt Disney, c'était des BD. Puis là, ben, Walt, il a dit, ben, tu sais, on pourrait faire peut-être un film en prise de vue. Donc là, elle a commencé à y penser un petit peu plus, mais ça a pris 17 ans pour se décider à finalement lâcher le morceau en ayant des droits sur une demande de prix scénario, 100 000 $ US et un pourcentage de 5 % sur les ventes. Donc, un peu lucrative, la madame, quand même. Et puis, ces 17 ans de, comment on dit, tractation ont donné lieu à un film qui a commencé à être tourné en 2012, en fait, qui va s'appeler Saving Mr. Banks. Qui mettra en vedette Tom Hanks et Emma Thompson. Oh, de Harry Potter? C'est ça, Emma Thompson? Oui, exact. Okay. Donc, ça va être assez intéressant quand même. Puis voilà pour Mary Poppins. Donc, quand ça est sorti là, au cinéma, ben, là, ça a fait un gros boom. Ouais. Là, beaucoup de redevances et tout. Donc, elle n'a pas regretté son choix, finalement. Migration des oiseaux. Ça, c'est plus sérieux, un peu, migration autre des oiseaux. Chose, hein? La loutarde, là, non, ça n'existe plus. Oui, ben oui. C'est non, toutes les outardes sont mortes. C'est la tourte qui n'existe plus, c'est ça? Tourtière. Ah. Parce que moi, outarde, moutarde, tourtière, tourtière, moutarde, c'est la tourtière. Je comprends pas. Ou c'est ça, dans ton hot dog, ketchup ou outarde? Outarde. Bon, migration des oiseaux. En fait, on pense hein, que la migration des oiseaux, ça suit le cycle des saisons. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein? C'est resté incrusté dans nos têtes. Par contre, les oiseaux ne suivent pas le mouvement de saison, mais bien le mouvement de la bouffe. Ah, les frites, tout simplement. Oui, donc l'abondance de la nourriture. Donc, évidemment que plus il fait froid, moins il y a de nourriture. Les insectes, hein, c'est ça qui mange le plus. Et les prédateurs aussi qui vont se déplacer en fonction du chaud et du froid. Donc, quand il fait plus chaud, il y a moins de prédateurs présents. Donc, les oiseaux ont moins à se battre avec les prédateurs ou à se protéger plutôt des prédateurs quand il fait chaud. Donc, ils suivent plutôt le mouvement de la nourriture. Donc, c'est ils font comme nous autres. Ben, il faut. Si y a un buffet, je vais. Ben oui. Quand même. Donc, c'est temps d'une petite pause. Donc. Oui. Donc, je ramène Eclipse, mon quatuor à cordes, que j'ai découvert il y a de cela 3 semaines, avec une reprise d'une chanson de David Bowie, The Man Who Sold the World. Donc, Eclipse, voilà. C'est Assemblage Requis dans la chronique Le Véronique Sionnaire. Thank you. c'était Eclipse. Ah, oh, c'est tellement bon. Du bonbon pour les oreilles. Miam, miam, mounou. Shake mounou. Bonbon. C'était pas du Ricky Martin, une chance. Ben non, on est loin de ça. C'est toujours la chronique Le Véronique Sénard en compagnie de Véronique Mire. Et on est dans la lettre M, deuxième partie de la première partie de deux. Eh oui, exact. Donc, sûrement que la deuxième partie, ça va être plus en rafale. Okay. Là, cette semaine, j'avais plus des gros termes comme les mangas, Mary Poppins. Là, je vais vous parler des montagnes russes. Oh! Lève tes mains! C'était pas sauté! Vomis pas! Vomis pas! Ah, je suis toute sa personne en derrière. Donc, c'est plus des gros morceaux, mais vous allez voir, la prochaine, là, ça va être plus tout plein de petites affaires. Donc, ça dépend, hein, à vie à tous. Dans deux semaines, ce que vous aimez. Montagnes russes. Donc, évidemment, puisque ça s'appelle des montagnes russes, le concept vient de Saint-Pétersbourg, où on faisait des courses de luge sur des montagnes, dans des luges. Ben, dans des luges, hein? Des courses de luge dans des luges, c'est logique. Des courses de luge dans des luges, pas dans des tonneaux. Puis, ben, à la fin des années 1700, c'est devenu tellement populaire. Bon, là, on a commencé à en voir apparaître un petit peu partout. Le premier looping serait apparu à Paris. Probablement. Bon, on n'est pas totalement sûr parce que quand ça fait un boom, hein, tout apparaît partout en même temps. Donc, on n'est pas sûr si c'est vraiment à Paris, mais c'est ce qu'on pense. Puis, c'était très casse-gueule, en fait, hein, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de système de propulsion. Il fallait juste partir du plus haut possible puis espérer faire le looping. Exactement. Mauvaise idée. Ça devait être assez comique. En 1846, donc on peut imaginer qu'est-ce que ça donnait. Les montagnes russes ou les trains de montagnes russes n'ont pas de moteur. Ils sont propulsés surtout par la gravité. Comment ils font, à votre avis, les montagnes russes? Parce qu'ils ont tout un trajet à faire, des loopings, des virages et compagnie. C'est par le poids. Par le poids? Non, oui. Sûr que même s'il y a une personne dedans, tu parles du poids du management. Non, mais oui, par le poids, avec la force centrifuge. Vous t'invente vend des mots, là. Non, je suis convaincu. La gravité, c'est quoi? Tu fais des syllabes ensemble? Ben, t'es pas mal proche de la vérité. En fait, oui, exactement. Ben, la gravité, comme vous l'avez trouvé à deux. Les véhicules sont propulsés soit par, une propulsion de départ. Donc là, il peut y avoir dès le départ là, qui va propulser la montagne russe. Ou encore, justement, la côte, la fameuse côte. Donc là, évidemment que ça prend une crémaillère, là, une chaîne qui va faire monter. Le fameux, celle qu'on tend tout le temps, la crémaillère. Oui. Oui. Donc, ça part avec ça. Donc, c'est le lancement. Puis, on appelle ça l'énergie potentielle initiale. C'est ça qui va faire avancer la montagne russe. Donc, tout au long du trajet, hein, par les montées, les descentes, la vitesse va diminuer ou augmenter. Et puis, si c'était pas du frottement, on pense que dans un circuit en loop fermé, la montagne russe pourrait marcher indéfiniment. Ah. Mais évidemment que, bon, le frottement et la force du vent, là, en fait, là, le contact de l'air et tout, fait que la montagne russe... ralenti. Et c'est ça sur quoi les ingénieurs travaillent, hein, pour pouvoir diminuer autant que possible la friction pour que ça aille de plus en plus vite et puis pour faire des circuits de plus en plus longs. J'ai mal au cœur quand on entend parler, pour vrai. Quand même, hein? Puis en fait, ben, c'est avec la découverte de l'acier qu'on s'est rendu compte que là, vraiment, pas la découverte de l'acier, mais le fait d'utiliser l'acier comme rail plutôt que le bois. Hein, parce qu'à la base, les montagnes russes étaient toutes faites en bois. Comme à la ronde. Exactement. Ah, sans blague. Ah. Oui. Puis, c'est pour ça qu'on garde aussi certaines montagnes russes en bois, parce que ça donne un thrill supplémentaire, ouais. Hein, parce que ça shake plus. Les gens ont l'impression que c'est beaucoup moins instable. Le monstre est fait comme ça, d'ailleurs. Vous avez trois types de montagnes russes en fonction des hauteurs possibles. Donc, les méga montagnes russes ou méga coasters qui peuvent atteindre plus de 60 mètres de haut. Ça, c'est de la petite bière. Ensuite, vous avez les Giga Coaster, donc plus de 90 mètres. Et ensuite, les Strata Coaster, plus de 120 mètres. Gouch! Quand même, ça, c'est de la grosse bière. Donc, puis, ben, les inconditionnels des montagnes russes espèrent qu'évidemment, un jour, ça va se rendre jusqu'à plus de 150 mètres. Puis là, ça s'appellerait des Terra Montagnes Russes, Terra Coaster. Anecdote que je n'ai pas pu contre-vérifier. Ben, supposément qu'en Russie, les montagnes russes s'appellent des montagnes américaines. Oh, j'ai des doutes, hein, j'ai des doutes. Exact. Je vais continuer à fouiller là-dessus. Puis, ben, les montagnes russes se caractérisent aussi par le mode de, ben, le type de wagon qui est utilisé. On peut avoir des bobsleighs, on peut avoir des chevaux, juste simplement des bancs et tout ça, mais également par des catégories, donc soit de type assis, debout, sur les rails, sous les rails. Vous avez des montagnes russes aussi, des diving machine roller coaster qui vont faire des chutes à 90 degrés. Donc ça, c'est vraiment le haut le cœur qui nous prend, là, comme en ascenseur quand ça tombe. Ouais, moi, c'est juste le deuxième étage, ça serait en masse. C'est assez. Puis, bon, vous avez les sit-down roller coaster typiques dans lesquels on est assis. Les floorless où vous êtes assis, mais il n'y a rien en dessous de vous. Puis vous avez les inverted roller coaster où là, vous êtes sous les rails, soit en position Superman, donc qui vont être les plus flying roller coaster. Ou encore, vous pouvez aussi être suspendu sous les rails sans avoir de train autour de vous. Là. C'est juste le banc qui est suspendu. Donc, il y en a pour tous les goûts dans tous les pays du monde. En effet. Hey, c'est spécial. Bobsleigh, c'est Robert Traîneau. Robert Traîneau. Oh, je pensais que t'allais faire une plug des apprentis champions. Non, ce que j'ai cherché sur Internet pour avoir le mot en français de Sleigh. C'est pour ça que le jeu de mots était loin. Oh, Robert Traîneau. C'est que Sleigh, c'est un traîneau. Quelqu'un qui s'appelle de même dans la vie. Sûrement. Bobsleigh. Ouais. C'est. En tout cas, je voulais la faire en nom, mais finalement, j'aurais pu la garder pour moi. Et Claudry? Non. Non? Quand même pas. Non, ça fait un malaise. C'est bon, un malaise. Oui, exactement. Oui, il en faut. OK. Sinon, l'annonce est non véridique. L'annonce, on dit, on fait des malaises. Non? Oui. Oh. Le salut militaire. Donc, militaire et salut. À la base, hein, d'où ça vient? Donc, d'abord, les gens, quand ils se croisaient sur la route, les simples voyageurs se faisaient un signe de paix, fraternité. Donc, simplement, le salut, la main droite, pour montrer qu'ils n'étaient pas armés. Mm-hmm. J'ai failli manger mon micro, coudonc. Voyons, c'est la vie. À de l'appétit un matin. Aïe, aïe, aïe, la mousse m'attire. Là. Au Moyen-Âge, ben là, c'est entre les chevaliers qui avaient toute l'armure, le home, donc le casque. Et puis, ils faisaient d'abord un premier tour où ils relevaient la visière du home pour se voir les yeux dans les yeux, mm-hmm. Pour savoir qui ils affrontaient. Puis ensuite, ils rebaissaient le home. Puis là, c'était le combat. Donc, au 17e siècle, c'était plutôt un signe de fidélité envers le drapeau, la seigneurie. Donc, on ne saluait pas l'homme, mais bien le grade. Et ben, en France et au Royaume-Uni, maintenant, aujourd'hui, on fait un salut la main droite à hauteur de la tempe, doigt tendu et joint, la paume visible. Donc, dans le même ordre d'idée que le salut là, pour montrer qu'on est désarmé. Donc, on part de notre tente, puis on monte la main dans les airs, la paume visible. Ça, c'est très important. Mais nous, ici au Canada et aux États-Unis, c'est plutôt la paume cachée. Donc, la paume reste cachée, puis on salue la main flex là, vers l'avant. Parce que ça vient des marins, en fait, qui avaient souvent les mains sales, salies par le goudron du calfa. Puis ça, c'était indélébile. Hein, donc, ils avaient toujours les mains noircies. Donc, pour pas montrer leurs mains sales, mais en fait, c'est pas de leur faute, là, mm-hmm. ils gardaient la paume cachée. Cachée. Et oui. Et le serre-main, hein, le fait de se serrer la main, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Donc, à la base, c'est un geste réservé aux hommes. Hein, plein de gestes comme ça qui étaient réservés aux hommes. Tout a changé avec le temps. Et la main droite pour justement monter et vers le haut pour montrer qu'on n'avait pas d'armes. OK, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on s'essuyait avec la main gauche là, dans le temps. Non. Ça, c'est plutôt dans les pays arabes, okay, je dirais, oui. Mais nous, en Occident, on n'a pas ça. Tu fais ça, toi? Non! Plus maintenant. On pense. J'ai appris à arrêter. J'ai un bidet. Et finalement, pour terminer la chronique d'aujourd'hui, première partie de la lettre M, Mirage. Mm-hmm. Mais pas la barre de chocolat. Oh, des petites bulles dedans. Oh, oui. Ben, c'est bon, ça. Mais ça va peut-être donner le goût à plein de gens ce matin d'aller s'acheter une barre de chocolat. Il y en a des machines à l'université. Mmh. Oh. Miam, miam. Un mirage, en fait, qui est la déviation des faisceaux lumineux par des superpositions de couches d'air de température différentes. Là, j'ai lu mon affaire. Parce que c'est pas dur technique. À dire, mais quand même. Mm-hmm. Donc, on a l'impression qu'un objet qui peut être des fois à des kilomètres plus loin est beaucoup plus rapproché. Donc, la réfraction et peut être un peu déformé aussi. Par contre, c'est à ne pas confondre avec une illusion d'optique où là, c'est le cerveau là, qui va flipper, si on veut. Donc, mauvaise interprétation du cerveau de l'image qu'il voit. ou c'est pas non plus une hallucination parce que c'est possible de prendre des mirages en photo. Ah! Fait que je trouvais ça intéressant. Hein, c'est pas comme c'est... un fantôme, là. Non. Non. Mais ça peut donner des assez étranges de photos, hein? Ouais. Des mirages. Oui, je vais aller voir ça. Quand même. Ouais. Donc, voilà! Hey, intéressant, comme toujours. Mm-hmm. La chronique sur la lettre M, première partie. Donc, deuxième partie sur le M, ça va être l'autre A, là, finalement. Dans le fond, M, c'est deux. Ah! Wow! Les deux pentes du M. Les oui, deux voilà. Moitiés. Monts et Vallées. Un autre mot. Donc, ce sera dans deux semaines, mercredi à 8h. Oui. Merci beaucoup, Véronique Mire. Ça me fait plaisir. On retourne, on est dans les nouveautés francophones encore un petit peu. Là. On a Jimmy Hunt et son nouvel album Maladie d'amour. Oui, on va aller écouter Nos corps, je pense. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je trippe, hein. Je me touche le ventre. Oh. Bon, c'est le temps que je m'en aille. C'est à cause de la mirage. T'as faim. T'as envie de chocolat. Mon ventre n'existe pas. C'est un mirage. La recette, tantôt, Sébastien Dulude s'en vient avec sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Retour à la chronique de Sébastien Dulude, Va voir ailleurs, j'y suis sur Vicky Gendreau, troisième et dernière partie. Assemblage Rookie. Ah. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rookie. Thank you. steps in the morning, and two steps in the day, and three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, a monk is in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. A Brando's in the forest, a Nancy's in the flood. A black swan makes a pirouette, the gods cry from above. And all the rain keeps falling on bare feet in the mud. Better than gold! Dick at Empire, que c'est bon! Ah, on trippe, on l'écoute tout le temps à la maison, chacun son bar, évidemment. Oui. Je l'écoute en travaillant, tout le temps, en boucle. Je l'écoute en travaillant. Travaillant. Pas très bon siffleur, tu sais? Ben, ça te prend des défauts. Oui, merci. Et de un. Avant de faire Sébastien Dilude plus tard à l'émission, aujourd'hui, là, en ce moment, présentement, là, live, on va faire une de nos chroniques préférées. Mm-hmm. Premièrement, parce qu'on n'a rien à faire dedans, à part trouver la chanson. C'est d'écouter une chanson thème de quelqu'un dans l'émission. Voici les paroles des autres. Non, clap clap. Je suis une mesure trop tôt. Clap clap. Voici la chanson thème des instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Étape 3. 3. Tapez 4 tours sur le support rouge, insérez le boulon numéro 89, tournez 2 tours sur vous-même, retirez maintenant votre index de votre nez et placez-le sur l'écrou numéro 14C. Étape 4. Trouvez maintenant le 3, le numéro 8, et placez-le sur le manchon 54C. Humidez le tout et scellez fermement. Étape 5. Il faut maintenant armer le base du tournement. Évitez la moisissure et prendre soin de ne pas le casser. Mesurez la longueur du centre et immobilisez-le sur le versant. Prenez la file bleue 18, 12, 120 et 499 et modelez-le sur l'embout 21 A, C et 18 K. Ça marche pas. Pardon. Non. Tout comme mon clapement de main, les instructions, ça marche pas. C'était pas clair, mais ben, ça marche pas. Ah, on s'est fait plaisir, moi, je pense, en tout cas, parce que j'aime beaucoup cette intro-là. C'est les instructions d'assemblage, une chronique de trucs et astuces qu'on fait ici à Assemblage Rookie. Oui. On tripe bien raide sur cette nouvelle chronique-là. Et d'ailleurs, ben, si vous voulez plus d'informations sur cette chanson-là, c'était la chanson thème donc de la chronique Les instructions d'assemblage avec moi-même, M. Plante. C'est la pièce Les instructions d'assemblage du machin par la formation, en fait, la personne, les risques du plasmique. C'était sur leur album Le Testament des banlieues, sorti en 2007. Et les risques du plasmique, c'est un petit peu des vétérans, c'est fou. Ils nous envoyaient un album par quelques mois dans le temps. À chaque fois qu'il y avait une fête spéciale ou genre la rentrée des classes, Pâques, ils nous envoyaient un album là-dessus. Ben, c'est le gars dans son sous-sol qui enregistre des chansons. Wow. Il est vraiment cool. Pour vrai, cette chanson-là, je la trouve fantastique. C'est une de mes préférées. Elle fit très bien avec le concept de la chronique. Exactement. Ou encore le concept de la chronique qui a été fortement influencé par cette... Par la chanson. Par la chanson. Mais tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne les chroniques dans Assemblage Rookie. En tout cas, pour moi, ça marche dans deux bords. Je peux trouver un concept et chercher une chanson qui fit avec ou entendre une chanson et me dire « Hey, ce serait pas une chronique là-dessus » et commencer à la faire et triper bien raide. Et puis voir que ça marche bien. Et voilà, c'est une de mes préférées, comme j'ai dit trois fois, je pense, jusqu'à maintenant, dans cette chronique-ci. Voilà. Qui, elle, s'appelle « Les paroles des autres » où on écoute une chanson thème d'un chroniqueur ou d'une personne comme moi-même qui participe à l'univers de Mathieu Plante. C'est à peu près ça. En passant, on se bâtit une collection complète des chansons, des chroniques. Et vous pouvez les retrouver dans la section Un instant classique du site assemblagerequis.com. Ils sont dans l'ordre de diffusion, chacune des chansons qu'on a jouées. Donc, si vous voulez les réécouter, ça se fait très bien. Yay! Youpidou! Donc voilà pour les paroles des autres. Plus tard à l'émission, on aura Stéphanie Paradis et sa chronique Les petits bonheurs. Oui. Est-ce que tu sais son sujet? Non. Faut pas le dire en ondes si on le sait. Mais en tout cas, on sait que ça... Non, j'ai dit non. Ça cartonne, je dirais. Ça cartonne, OK. Ouais. OK. Ça va vous mettre... ça va vous emballer. OK. Ça va être comme une boîte à surprise. Et quelque chose avec un camion, là. OK. Ben moi, je m'enlignais sur les bords de déménagement. Un peu comme un camion s'enlignerait sur les lignes de la route. Ben oui. Pour se rendre à destination. Oui, exactement. Voilà. Un autre extrait du palmarès, est-ce que ça te tente? Oui, monsieur. On a une nouvelle pièce de MSMR, Miss Mister, dans le palmarès, c'est juste là en ce moment. Oui, puis écoute, cette chanson-là me fait penser à toi, Mathieu. Parce que j'ai l'air d'une femme? Non, parce que c'est la chanson qui s'appelle Think of You. Ah, OK. Moi. Une chance. Think of You. Think of You, je pense à toi. Je pense à toi. On va voir ce que ça donne. We caught as your crutch, like some sip of potion. I was addicted to your touch. Carried away the misplaced rage and the burden of hate, the decadence of decay. C'est ça l'affaire, hein? Tu me disais, cette chanson-là me fait penser à toi, ça parle toute la merde que tu m'as fait vivre. Ouais. C'est ça que moi, je te fais penser à toute la... Pas fin, ça. Ouais, je m'excuse. Ça fait rien que genre quelques mois qu'on anime ensemble, déjà tu penses... Puis là... Voici Kinky Sexy Time. Oh! Pour compenser, tu sais. Quelques petits restants de Kinky Sexy Time, on a fait ça hier, cette chronique-là. Il en restait. Oh! Moi, je suis prêt pour une deuxième ronde. Quand tu veux, il faut juste attendre une heure à peu près. Kink, moi. Kink, oh! Nouveau verbe, hein? Oui. Les hommes qui ont le plus gros se testicule ont plus de chances de développer une haute pression sanguine, une maladie du cœur ou être de grands buveurs, donc des alcooliques. Mm-hmm. Donc, n'ayez pas de gros testicules. Oui. aussi qu'une personne tombe en amour, ils ont tendance à perdre entre 2 et 3 amis très, très proches d'eux par négligence de leur amitié. T'sais, dans le fond, ils vont commencer à penser plus à leur nouvel amour qu'à leurs amis. Une étude de 2500 femmes de l'Université de l'Indiana nous apprend que les femmes qui utilisent du lubrifiant avaient plus de plaisir et de satisfaction pendant les relations sexuelles. Oh. C'est normal. Ben oui. Sinon, c'est un peu sec, là. Il y a un festival du film à New York qui est dédié au film Kinky. Oh. Ça s'appelle Ciné Kink. Ciné Kink. On va faire un road trip là-bas en gang. Hein? Pas de choix. Mm-hmm. On va l'animer en direct. Live from Ciné Kink. Oui. Se faire appeler Baby a un effet positif sur le cerveau de la femme. Ça cause un soulagement du stress. Elle s'en vient. C'est émotionnellement, donc c'est instantané. Oh. Ça enlève le stress. Hey, baby, baby, baby, baby. Baby, you can drive my car. Il y en a beaucoup de chansons avec des babies dedans. Oui. Ouais. Le lipstick. Oui. Dans le fond, ça, c'est le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres a été inventé apparemment à l'époque, en Égypte, il y a très longtemps, en Égypte. C'est un peu comme octobre, on a tendance à pas dire le R. Octobre. Donc, les femmes qui étaient spécialisées dans le sexe oral, les relations sexuelles orales, mettaient du rouge à lèvres. En moyenne, les gens célibataires vont mourir 10 ans plus tôt que les gens mariés. Oh. Moi, je m'attendais au contraire, ouais, que le mariage stressait tellement que... Je sais pas. C'est bon. Il doit avoir une raison. Sûrement. Voir que je vais faire des recherches en ce moment déjà. Il y a un canard qui s'appelle le Mallard Duck, qui est le seul animal qui se reproduit exclusivement par gang rape. Gang bang, viol en groupe. Comment il s'appelle? C'est le Mallard Duck. M-A-L-L-A-R-D. C'est un oiseau de malheur. apparemment, qui participe à de la nécrophilie homosexuelle. Donc, sur des corps morts du même sexe, finalement. C'est pas facile, hein, la vie? Non. Certains hommes et certaines femmes sont capables de se rendre à l'orgasme en s'embrassant. Oh! Pas trop demandé, ça? C'est tout qu'un French. C'est là! Viens ici de bébé. Ouais. Baby, baby, baby! Baby! Il y a une sorte de canard. On revient au canard. Mâle. Normalement, je l'aurais remis dans l'ordre, mais bon, t'es pas prête. Qui va prendre son amoureux potentiel, donc sa proie, oui, si on veut, avec son lasso, qui est en fait son pénis qui mesure 17 pouces de longueur. Wow! Je verrai plus jamais le festival western de la même façon. Petit cochon graisseux. Oui! Oh, misère. Environ 85% des femmes portent la mauvaise grandeur de brassière. 85% des femmes. Ça, c'est presque 8,5 sur 10. Est-ce que c'est par mauvais conseil ou parce qu'ils pensent qu'ils en ont des plus gros que la réalité? C'est peut-être comme les condoms un peu où tu prends du magnum alors que t'en as pas vraiment besoin. Mais condoms king size. King size. Bref. Entre 5 et 10% des Américains vont occasionnellement faire du sadomasochisme. Ah. Participer à du sadomasochisme. 5 à 10%, voilà. Selon sa variété, un condom peut tenir jusqu'à 7 gallons de liquide. 7 gallons! On parle des tapes à mesurer. 7 gallons de... Stéphanie Paradis qui vient d'arriver, tu peux participer quand tu veux. Allô, c'est-tu vraiment nécessaire? Autant de gallons? 7 gallons, ben pourquoi pas? Mais on sait pas ce qui peut arriver. Hein. C'est ça. Si tu veux te le mettre sur la tête, faut bien que ça puisse... Pour les têtes d'eau. Ouais. 85% pour les brassières, est-ce que tu penses qu'on... Oui, parce que moi, je sais que j'ai la bonne grandeur parce que j'ai pris mes mesures et j'ai vraiment essayé, là. Tu sais, moi, je connais tous les trucs. Moi, je suis pas une grosse conne. Non, non. Les insultes personnelles. Non, mais pour vrai... 85%. Il y a des mesures à prendre, là. Donc, tu sais, c'est le temps chez vous de sortir votre petit tape mou là-dessus. Votre galon. Ouais, votre galon. Un des 7 galons que t'as dans ton condom. Ouais. En tout temps. Ouais. Donc, c'est ça, pour les condoms, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me tape les boules. 44% des femmes préfèrent lire des choses qui ont rapport au sexe que d'avoir des relations sexuelles. 40? 44. Dans le derrière. Un hôtel à Berlin offre différentes pièces qui ont rapport au sexe kinky. Okay. Hein, dont une avec un cercueil, toi. Tu sais, la nécrophilie homosexuelle. Ça doit être à cause de Twilight, ça. Ça doit être ça. C'est rempli de relations avec des morts gays dans Twilight. C'est dans des cercueils. C'est ça. Dans ce film pour enfants. Oui. Il n'y a pas de corrélation entre la grandeur de l'engin masculin et la grandeur du soulier. Ni avec la grandeur de la main, ni avec la longueur du nez. Bon. Des fois, c'est des mythes. Là. Non, c'est... Je crois que ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe parce que à date, toutes les... ce n'est pas un mythe. 100% des gens que je connais. C'est ça. Ce n'est pas un mythe. C'est une bite. Tu vois, c'est un slogan qui vient d'inventer. Oui. Moi. En tout cas, Mathieu, t'as vraiment un gros nez. Merci. Et de grandes mains. Et de grands pieds. Et c'est entre l'index et le pouce, d'habitude, je pense, minimum. Je pense mettre les deux doigts ensemble. Puis moi, depuis tantôt, j'ai une couleuvre qui me passe entre les jambes. Est-ce que ça serait toi, Mathieu? Détrompe-toi. Est-ce que ça serait toi? C'est aussi gluant, mais c'est pas une couleuvre. Tiens, les hyènes. Tu sais, les hyènes, ça, c'est un animal. Ben, faut pas dire. Les hyènes. Oui. Il n'y a pas de liaison quand il y a un H. Les hyènes. Rien du tout. Rien à voir avec les chats. Ah, là, j'ai pas noté toutes les heures de ces savoureux moments. Ça. Ben, écoute, c'est sans arrêt. On va mettre l'écouter au complet. Sans arrêt de l'arrêt. Donc, les female spotted hyenas, donc ça, c'est les hyènes à taches femelles ont un pseudo-pénis. Donc, c'est un clitoris un petit peu plus gros que la normale qui ressemble étrangement visuellement à un pénis. Spotted yen. Spotted. Spotted Trois-Rivières, spotted oui. yen entre les jambes. Hashtag drôle. Égluant. Environ 80% des hommes américains sont circoncis, même si la American Academy of Pediatrics dit que c'est pas médicalement nécessaire de se faire circoncire. Ils sont quand même 80%, c'est presque 8 sur 10. C'est beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup. Je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Oui, c'est même presque 4 sur 5. C'est même presque 2 sur 2,5. C'est presque 1 sur... là, je suis plus capable. Voilà pour Kinky Sexy Time number 2, Not Prepared. Oh, fun. Oui. On aime ça. Va-t'en, Sébastien. Sébastien, tu n'as pas besoin de toi. Dans quelques minutes, ce sera Stéphanie Paradis. Ouais. Ouais, et ça connaît les petits bonheurs, c'est son côté givré. Hey, en passant, JP, tu m'as volé ma punchline. Tantôt, t'as dit yé. Oui, je sais. Ça m'appartient. Je sais. Je te donnerai 25 sous. À okay, chaque parfait. Fois que quelqu'un le dit. 25 sous long, là, va à la chasse galerie, oui. Va te pogner 25 sous. Ouais. 25 sous long? Ouais, 25 sous long. Ça, là, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ça commence pas à. Non, tu veux dire, ils sont pas partis encore. Non, ils sont pas partis. D'hier soir. Mmh. Ouais. Ils dorment encore. Et voilà. Non, inquiétez-vous pas, qu'à cette temps de partir à la chasse galerie, ils vous sortent, hein? Oui, hein? Tu pognes un petit sano chaussure pour la route, puis tu t'en vas cracher chez ton co-animateur. Cracher. Cracher, excuse-moi la prononciation anglophone. Peut-être que j'ai la bave chez vous? J'ai sûrement craché aussi en dormant un peu sur le divan. Sûrement. Hey, c'est beau chez vous. Bon, donc pendant que je casse cette boîte de CD en l'agrippant beaucoup trop fort. Puis qu'on dit n'importe quoi. C'est ça. Allons entendre une pièce qui a rapport avec la chronique, hein? L'homme éléphant, de l'amateur. Une trompe. De Fallop, évidemment, la blague pour les femmes. Là. Tes grandes mains. Tes grandes mains. Trompe. Ma grande trompe. Et deux petits trous au bout. Oui. Et une souris verte. Comment? Et une souris verte. Ok, je sais pas ça. Je t'aime. Elle moteur avec l'homme et l'éléphant. Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué qu'il y a, comme on dirait, une syllabe de trop dans l'homme le refrain? L'homme, les éléphants, oui. C'est comme dans le Valley, ouais, c'est pareil. Parce que ça devrait plutôt s'appeler l'homme éléphant. L'homme trait d'union éléphant. Oui. L'homme trait d'union éléphant. Oui, c'est parfait. Bon, ben c'est ça. Quand est-ce qu'on tape? Sans le blage, Lucky, pour toi là, aujourd'hui, Lily. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Et on est arrivé à la case paradis. Donc ça, c'est où t'arrives, les portes s'ouvrent sur ton jeu de société, tu fais avancer ton petit pion et là, Dieu arrive avec sa grosse barbe et non, dit... Non. Avant, t'as des comptes à rendre à Saint-Pierre. Ah, Saint-Pierre et Miquelon, là? Non. De son nom de famille, de Miquelon? Il me semble que non. Non? Mm. Saint-Pierre et Miquelon, c'est des îles, ça? Mm, prends l'échelle. Okay. Et le serpent, y a-t-il une pomme quelque part là-dedans? Je suis de mêler avec ma Bible, là, maudit. J'aurais dû suivre mes cours de catéchèse un petit peu plus proche avec le petit poisson. Poisson. Catéchèse, il y avait un petit poisson sur le cahier. Là. Et si bol, tu suivais plus que moi. Excuse-moi, ça. Oui. Ouais. Ça me dit rien. Ben, fait, ben, c'était Nemo. C'est ça, c'était Nemo. Ah, la vedette de la Bible, Nemo. Voici les petits bonheurs. Bonjour Stéphanie! Allô! Yeah! Comment yeah. ça va? Yeah! Toi, ça va? On l'a tout dit sauf toi. Yeah! Oh! C'est le moment qu'on aime le plus, le yeah de Stéphanie! Salut, c'est fini! C'est celui de Jean-Philippe est un petit peu moins. Yeah! Charmant. Yeah! Oh yeah! Thank you very much! Thank you very much! Thank you! Donc, les petits bonheurs, à chaque deux semaines, c'est ta deuxième chronique sur les choses qui te font plaisir dans la vie. Tu grattes un petit peu un sujet qui, normalement, ne. N'aurait pas vraiment le petit bonheur. Tu cherches les bons côtés des choses. Hein? Le bon côté des choses. Il n'y a pas plusieurs bons côtés. Oui. Ben, ça dépend. Hein? Peut-être que les deux côtés de la médaille sont agréables. Oui. Puis que c'est la tranche du 25 cents qui est désagréable. Si c'est une médaille en chocolat, c'est les pièces en chocolat, les deux côtés sont parfaits. Sauf s'il est sec. Oui. Avec un petit peu de blanc dessus. T'as comme la picote des petits bonheurs. Tu grattes. Comme, tu grattes la plaie? Tu grattes le scratch and sniff. Scratch and sniff la plaie. Ben oui. Hey, écoutez, avant d'embarquer dans le vif du sujet, moi, je vous écoutais un peu plus tôt aujourd'hui. Okay. Puis je me suis dit, comme j'aspire à devenir la femme idéale. Elle est bonne, hein? Ben j'ai, ouais. J'ai pensé à vous autres, les gars. Puis j'ai pensé vous acheter chacun une miracle. Oh! Wow! Merci, on va te devoir chacun le mirage. Ben non, c'est un cadeau. Ah, t'es donc bien fine, on le mange là. Ben, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi mirage, je donne un droit de parole à la barre de chocolat. C'était-tu vraiment la barre de chocolat? Parce qu'on te voit pas à radio. Ah. Ça peut être n'importe quoi. Imaginez ce que vous voulez. D'accord. C'était comme un chocolat slap. Mon rêve. Mon rêve. Tu te réveilles puis t'as comme des petits coups de porc de chocolat dans la face. Allez, debout. À la place d'un cock ring, il va te falloir une chuck ring. Un chuck ring. Oh, wow. Je t'ai génial. Épuisé. Merci, Steph. Donc, ça n'avait aucun espèce de rapport oui, avec... ça n'avait aucun espèce de rapport avec ma chronique. Mais oui, c'est un petit bonheur, hein, du chocolat. Mais ça... Les petits bonheurs des bonbons, tu nous feras ça à un moment donné pour l'Halloween. Ultra mousseux. C'est ultra mousseux. C'est marqué ça. Ultra mousseux. Savant naturel. Blobbing. Savant naturel. Mieux manger, mieux vivre. Ouais, c'est ça, me semble. Ouais. Savant naturel de mirage. Donc, aujourd'hui, je vous parle des petits bonheurs du déménagement. Il n'y en a pas. Ben oui. Donc, pour vous partager des petits bonheurs du déménagement, bon, je vais essayer d'aligner les bonnes voyelles, les bonnes syllabes à bonne place. Donc, pour vous partager les petits bonheurs du déménagement. Je crois que je suis une des meilleures personnes placées pour en parler parce que j'ai quand même un bon background en la matière. Ouais. Donc, entre 0 et 17 ans, j'ai déménagé 11 fois. Et dans ma vie adulte, c'est-à-dire sans mes parents, 5 fois pour un grand total de 16. Okay? Quand même. Et tu t'en rappelles de chaque des adresses et des villes où tu as habité? Ben, en fait, j'ai pas habité dans beaucoup de villes. Je te dirais qu'avec ma mère, je suis pas mal toujours restée à Capcha. Tu sais, j'ai pas changé d'école, j'ai pas subi de traumatisme quelconque, là. Donc, rien de ben. Tu sais, j'ai pas perdu mes amis. Donc, vous jouiez à Maison Musicale? Oui, c'est à peu près ça. Mais là, c'est plate, parce qu'à un moment donné, tu te retrouves pas de maison parce que t'as perdu la game. Ben, ça, c'est à toi d'être très rapide. C'est la Touch Barbecue déménagement aussi qui est pas pire. Oui. Ah, ça. OK. Bon, en tout cas, ça m'a fait des drôles d'images. En tout cas, donc, moi, quand je dis dans ma vie adulte aussi, je parle pas de déménager une résidence de cégep, là. Non, non. Moi, j'ai toujours eu un appartement trop rempli de meubles et de cochonneries. Excuse-moi, Jean-Philippe, c'était quoi ce façon? T'étais-tu sur le bord de bailler ou... Oui, j'essayais de faire ça discret. Je vois que ça n'a pas marché du tout. Je pense qu'il faut que tu touches ta langue dans ton palais fort pour enlever. Non, c'est bloqué, je pense. J'ai tout essayé. Ouais. J'avais les mains en dessous de la table. Il pleure quasiment tellement ça a été difficile. C'est pas sa journée de mercredi, je pense. Non. Bref, à un moment donné, ben il faut se résigner parce qu'on choisit pas toujours réellement de déménager parce que c'est souvent par obligation. Il laisse le sortir. Donc, c'est souvent par obligation, principalement quand on est enfant. Puis, on peut bien entendu trouver des bons côtés à la corvée qu'est le déménagement. C'est ma job, là, de trouver des bons côtés à toutes ces affaires plates-là. Donc, premièrement, découvrir des objets perdus. Donc, il y a toujours des objets qui disparaissent mystérieusement dans notre appartement. Moi, c'est tout le temps la même chose. Okay? Mes lampes de poche, je sais jamais où sont mes lampes de poche. Le chargeur à batterie, OK? Tu sais, quand tu veux jouer à Wii, là, tes batteries sont déchargées et tu sais jamais où ton chargeur. Bon. Oui. Le brûleur à encens. Je sais pas pourquoi, mais je sais jamais où mon brûleur à encens. Bon, c'est peut-être parce que je brûle jamais d'encens, OK? Mais je sais pas où. Sans pestin. Il y a mes albums. Ah non, il y en a qui sentent bon. C'est pas obligé d'être patchouli, là, man, OK? Ensuite, les albums, tu peux. J'ai toutes les pochettes, mais je trouve pas vraiment mes CD. Les entonnoirs, OK? Tu sais, ça arrive une fois dans une vie que t'as besoin d'un entonnoir. Oui. Ben, quand ça arrive, je sais pas ce que je les ai mis, OK? Bon. Ensuite, ben, en déménagement, on retrouve tout ça, là. Même un ami. Cacheur du coussin du divan. Salut! Oh là! Oh merde, tu fais-tu longtemps que t'es là? T'as-tu entendu l'autre fois la conversation? Quand je me suis assis de ta face, t'as-tu aimé ça? OK. Se remémorer des souvenirs. Donc, quand on fait ou défait des boîtes, ben, on pogne souvent des espèces de down où tout semble une montagne, qu'on a l'impression qu'on n'atteindra jamais le bout. Donc, c'est dans ces seuls moments où on se permet de prendre quelques minutes pour fouiner dans les ramassis de paperasse ou de cossins qui traînent au fond de notre garde-robe. Donc, c'est une belle occasion de revoir, par exemple, ma vieille collection de roches. la collection complète des albums de la formation canadienne de rock, Rush, évidemment. Oui, exactement. Oui, c'est exactement de ça que je parlais. Ensuite, mes vieux agendas de secondaire, ça ressemblait plus à des journaux intimes. Journaux intimes. tous mes exemplaires de mon journal intime. Voilà. Oui. En fait, c'est les différents tomes de mon journal intime. Voilà. OK. Pour vrai, je collais tout là-dedans, j'écrivais tout. Donc, de regarder ça, je peux revivre ma vie au grand complet. Ensuite, relire mes lettres de ma correspondante du Burkina Faso. Hein? Tu sais, dans la vie, je fais pas ça. Mais quand tu déménages, c'est comme, oh, il me semble que c'est plus intéressant. En passant, elle s'appelait Bansir Aïssa Edith Alida. Bansir Edith Holiday, c'est ça? Non. Un Bansir? Non. Bansir. Bounce? Ah, t'arrêtes, là. Peut-être qu'elle nous écoute, là, en direct du Burkina Faso. Et c'était elle qui était cachée en dessous de ton coussin divan. Elle est migrée illégalement. Ou mes vieilles cartes de fête, parce qu'il y en a quand même certaines qui valent la peine d'être gardées. Tu sais, il y a peut-être des jokes plus cocasses ou des messages qui touchent vraiment des fois. C'est sarcastique, là. D'habitude, c'est tout le temps. Excuse-moi, insérer rire ici. Non. Joyeux anniversaire, puis c'est juste signé. C'est écrit déjà. Ceux-là, je les jette. Ouais. Mais il y en a tout à quelques-unes qui sont « Oh, tu sais, je vais la garder. » Ou essayer de mettre mes vieux costumes de ballet jazz ou de karaté que j'ai porté entre 7 et 9 ans, puis me rendre compte que j'ai grandi. Ensuite, faire un ménage en jetant des trucs superflus. Ouais. Ça fait toujours du bien. On enlève tout ça. Tout changer. Bah oui. tout ça au vidange, le divan. Souvent, quand on déménage, on finit par pogner une écœurantite ou manquer de boîte. Mm-hmm. Donc, on prend des grandes décisions, on se fait consacrer bien des affaires au vidange. Dans le fond, ça fait du bien. T'sais, on a beaucoup tendance à dire tout d'un coup que je me ferais un costume d'Halloween. Hein? Tout d'un coup, je peinturerais. Tout d'un coup que... Si ma grand-mère avait des roues. T'sais, tout d'un coup, je me mettrais au macramé et ouais. J'aurais besoin. Je sais pas. T'sais. Mais finalement, on oublie qu'on a ça dans nos armoires puis ça reste là jusqu'au prochain déménagement. Donc, au lieu de traîner ça d'appartement en appartement, on se dit c'est un souvenir. Non, dans le fond, c'est juste un ramasse poussière. Sac-moi ça au vidange. Je vais porter ça aux bonnes œuvres. On fait juste un bon geste, puis on se débarrasse de nos cochonneries, puis c'est les autres qui vont les ramasser. C'est un peu l'équivalent de la vente de garage, mais on fait pas d'argent. On fait juste se sauver de l'énergie puis du temps. Pis c'est pas une fin de semaine complète. T'as pas besoin d'installer de table? Non. D'aller te faire du change au dépanneur. En plus. Parce que tu payes un bibelot de chat, tu payes pas ça ta carte de crédit d'une vente de garage. Le mot bibelot, je te trouve drôle. Bibelot de chat. Bibelot de chat, c'est une expérience optimale. Ouais. Avez-vous des bibelots de chat? Non. J'en ai un, je pense. J'ai mon chat, je le considère comme un bibelot parce qu'il bouge jamais. Il bouge jamais. Puis des fois, elle monte sur le truc de la lampe, là, genre une petite tablette, puis elle est là, puis elle regarde. Puis elle fait rien, c'est un bibelot. Genre, ça pourrait être l'endroit pour un bibelot, oui. Puis elle va se faufiler là. C'est exact. Wow, impeccable. Mm. Et aussi, repartir le ménage en neuf. Là, on va se dire les vraies affaires. À part ma belle-mère, qui c'est qui avance son frigidaire pour passer le bal en arrière? Et jamais. Je me suis déjà impressionné en attachant le petit embout plat. Au bout de l'aspirateur pour aspirer dans la craque. Mais c'est le max. Quand même. Mais quand même. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des grosses affaires, là. Sinon, j'aurais pas fait. T'étais-tu tout nu quand t'as passé l'aspirateur? Comment? Mais là, je pose des questions. Parce que j'ai besoin de l'embout plat pour pouvoir me... Ouais, c'est ça. Je suis naïf. Il est large et très plat. C'est un peu bizarre. Je trouve, je t'ai épuisé. Donc, quand t'arrives dans un nouvel endroit, c'est tellement plus facile de torcher le tout parce qu'il n'y a pas de meubles, OK? Fait que là, on part avec des belles résolutions, puis finalement, on se dit qu'on va bien finir par redéménager un jour. C'est ça. Mais on peut aussi souvent se consoler parce qu'en entrant dans un nouvel appartement, souvent, on se rend compte qu'il y a plus cochon que nous. Mm-hmm. J'ai déjà habité dans mon premier appartement. Il y avait déjà la laveuse sécheuse qui était là et... Il a fallu que je lave l'intérieur de la sécheuse. Est-ce que ça vous dit à quel point c'était sale? Je comprends pas comment tu peux salir l'intérieur d'une laveuse et d'une sécheuse. Ça se lave seul? Ben, c'est une laveuse. Puis au pire, la sécheuse, tout ce que t'as mis dedans, c'était très propre. À moins de faire sécher sa bouette, là, pour avoir de la terre. Ah, c'est ça! C'est vrai que c'est tendance. De plus en plus, on voit ça dans la communauté. Oui, oui. Laquelle? Toutes. Juive. Ensuite, organiser son nouvel espace. Quand t'arrives dans un nouvel endroit, pour moi, c'est un plaisir de jouer à Tetris pour optimiser mon nouvel espace. Est-ce que tu mets la chanson thème, genre? Hein? Tu mets la chanson thème de Tetris? Quand je déménage... Ouais. Non. donc, c'est... Voyons. Oui, donc c'est le fun de rendre notre nouvel espace agréable, de mettre ça à notre goût. Mais ça marche jamais vraiment du premier coup, parce que quand tu rentres dans l'appartement, tu fais juste sacrer meubles où il y a de la place. Mais là, tu finalises quelques jours plus tard, si tu te rends compte que finalement, tu n'avais pas de prise de courant pour ta lampe de chevet ou que ta porte de chambre n'ouvrait pas au complet à cause d'une armoire ou d'un bureau. Tu t'es trompé le numéro d'appart. T'es un étage trop haut. ou aussi, ça, c'est ce qui est vraiment chiant, c'est de se rendre compte que t'as inversé l'eau chaude et l'eau froide à la laveuse. Oh, oui. Pas à la laveuse sécheuse, mais juste à la laveuse. Il n'y a pas d'eau dans la sécheuse. Non. Non. C'est pour ça que t'arrives tout à tout trempé. C'est ça. Et j'ai pas eu un choc électrique en même temps. Mais j'ai chaud des heures. C'est ça, l'afro, ce matin? C'est ça. Aussi, un bonheur, mon Dieu, conduire un U-Haul, OK? Quand j'ai conduit ça la première fois, premièrement, j'avais vraiment très peur. Puis là, à un moment donné, je me suis comme mis à triper, puis ah, ah, ah, puis je me sentais supérieure à tous. Là, tu peux regarder les voitures. C'est vrai que t'es aussi, puis... ouais. C'est comme la même raison que les gens achètent un... comment t'appelles ça? Non, celui. Un Hummer. Une grue? Une grue. J'essaye plein de choses. Ta blague avait la même consistance que du gruau, je trouve. Ouais. Du gruau. Parce que t'es de haut. Ouais. T'es dans une grue. C'est ce que j'essaie de faire, moi. C'est motonneux comme merci. Ouais. Motonneux? Ouais, comme le du gruau. C'est pentu. Oui. Ensuite, ça, je pense que c'est un classique, la bière et la pizza entre amis. Hein, le déménagement, c'est aussi la meilleure excuse après le Super Bowl pour boire de la bière, pour manger de la pizza. Donc, c'est une loi non écrite, là. tu remercies pas tes amis de t'avoir déménagé des sandwichs au tofu puis genre du jus de betterave. Dépend des amis, ils sont bien grano. Non, c'est non. OK, laisse faire. Non, tu peux pas. Au pire, une pizza végé. Oui. Mais il faut que ce soit de la pizza. Hawaiian. Hawaiian. J'aurais voulu ça. Une pizza Hawaiian. Hawaiian. T'en as-tu déjà parlé? T'es-tu un gars de pizza Hawaiian? Non, ça fait longtemps. Mais je suis sûr que je recommencerai à aimer ça. Quand j'étais jeune, j'aimais pas ça. Mais traditionnellement, ce que j'aimais pas quand j'étais jeune, j'aimais ça quand j'étais adulte. Oh. Peut-être que ça a changé. Peut-être. Moi, j'ai jamais mangé ça, puis ça m'attire pas du tout. Non. Donc, aussi, manger la pizza, on dirait que c'est toujours meilleur de manger ça quand t'es assis sur une pile de boîtes instables avec une fourchette en plastique. Oui. Hein? Pour finalement te dire, bah, tant pis pour la fourchette, j'y vais avec les doigts. Main libre. Main prise, pas main libre. Main libre. Main libre, c'est tu mets la bouche directement dans la boîte. Moi, j'ai un casque à pizza. C'est comme il y a un micro-casque. J'assomme ma pointe. C'est une pizza Bluetooth, genre. Oui, exactement. Jeu de moins Bluetooth. C'est hot. Pas de jeu de moins Bluetooth. Non. C'est pas grave. Ça donne aussi une excuse pour pas aider les autres à déménager. Parce que t'es occupé à faire ton propre déménagement. Dans le cas, tu y penses, même si c'est pas la même date, les gens comprennent que t'es dans le jus avec tes 1000 boîtes, OK? Mmh. Donc, tu peux te sauver de 8 déménagements dans une semaine grâce à ton seul et unique déménagement à toi. Oui, je viens de déménager, man. C'est toujours bien ça de gagner, OK? Faut que j'efface mes boîtes. Mais les vrais amis vont t'aider à déménager la veille de leur propre déménagement. Oh. En fait, c'est principalement parce que leur vaisselle est déjà dans des boîtes et qu'ils veulent profiter de ta pizza. Mais c'est pas grave, l'intention est là. On se fout de la raison, tu sais. Ensuite, découvrir son nouveau quartier. Quand tu changes de quartier ou de ville, tu peux découvrir les nouveaux endroits que tu vas pouvoir fréquenter éventuellement. Donc, ça peut être parfois traumatisant de faire son épicerie quand on a l'impression que les poivrons sont pas à même place par rapport aux concombres. Mais c'est une adaptation nécessaire, parfois même agréable. Donc, prendre une marche dans des nouvelles rues, c'est stimulant. Attention, par contre, de ne pas se perdre quand tu fais ton jogging. C'est frustrant. Okay? Ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment chiant. Tu pars en jogging. Ben, pas en jogging, nécessairement. Tu pars faire ton jogging. Là, tu as tout seté ton petit trajet sur Google Maps. Mais là, il y avait des nouvelles rues qui n'étaient pas sur Google Maps parce que c'est un nouveau quartier. Puis là, tu te perds. Puis finalement, au lieu de faire 4 km, t'en fais 6,5. T'es mort. T'arrives en retard où tu devais aller après parce que t'es perdu, pour vrai. Donc, peut-être faire un petit tour avant à pied. OK? Ouais. Aussi, ça dépendamment du quartier où on déménage, on peut découvrir des nouvelles boutiques, des nouveaux parcs, restos. Quand j'étais jeune, ben, ça n'a pas vraiment eu rapport parce que j'étais toujours dans la même ville. Pis... Petite ville, pas beaucoup de restaurants, pas beaucoup de boutiques. Ben, ouais. Genre, comment je dirais, ben, aucun. Aucun. Puis aussi, ben, t'as pas vraiment de découvertes à faire quand tu déménages dans la maison en face d'une maison dans laquelle t'as déjà habité ou dans le même appartement une deuxième fois. Genre, ça m'est déjà arrivé. Ça compte dans tes déménagements, c'est sûr, c'est un déménagement. Ben oui, parce que on n'a pas fait des boîtes, les sorties puis les rentrées dans le même appart. Là. On a quand même fait une autre maison là, entre les deux. Là. Mais honnêtement, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bizarre d'emménager dans un appartement où t'as déjà habité. Tu connais déjà, mais en même temps, il est pas pareil parce qu'il a peut-être été repeinturé. Non, ben non, même pas. Même pas. C'est un peu comme les appartements sur Louis Pinard, ouais. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ben, c'est pas mal ça partout. Ouais. Mais quand c'est exactement le même, c'est déjà... Tu sais où tu vas mettre tes meubles de chambre? C'est quasiment à plat. T'es change de place, c'est pour principe, tu sais pas. Non, la chambre est trop petite pour ça. T'as comme pas le choix. C'est comme ça que ça rentre, c'est comme ça que ça va. Ensuite, c'est de l'entraînement physique comme un peu gratis. Oui. Ben oui, bouger. Tu te sens pas coupable de pas t'entraîner pendant ce temps-là. Ça. Ben non, c'est ça. C'est une bonne excuse. Puis bouger, c'est bon pour la santé. C'est pas très conséquent avec la bière puis la pizza. Là. Faut même pas penser que ça s'annule. Mais c'est toujours ça le plus. Pizza sans gras et ça se fait pas. Et sans croûte et sans garniture. Ben oui, mais tu peux en faire chez vous là, de la pizza sur un bon petit pain pita, ouais, par exemple. Tu mets du pesto dans le fond, tu des crevettes, du fromage, des légumes, des asperges. Santé, ouais. Ce serait bon, hein? Ouais, on dirait une recette Ricardo, le live. Ensuite, oui, ben ça, tu peux te faire du muscle aussi en levant les électroménagers. Parce que moi, souvent, je fais souvent l'homme dans le déménagement. Oui. Donc, j'ai souvent un frigo sur le dos. t'es celle qui se tartine de meubles sur le dos. Donc, et que tu te fais des muscles. Donc, tartinade, t'es de l'humuscle. De l'humuscle. Ou un pois chiche. Ben, je suis pas nécessairement, mot, moi, je suis pas nécessairement effouéré. Je suis pas une beurasse. Mais là, t'es pareil. Ah. Aussi, tu peux faire ton cardio en faisant la course des escaliers avec des boîtes de livres dans les mains. Mm-hmm. C'est toujours un bon exercice. Puis on sait que c'est pesant des livres. Puis moi, j'ai vraiment, vraiment comme beaucoup trop de livres. Donc, si vous voulez faire du cardio, c'est chez moi qu'il faut venir déménager. Ensuite, ben, rencontrer des nouvelles personnes. Certains vont vous dire qu'ils se font des nouveaux amis en rencontrant leurs voisins. Moi, comme je suis plus ou moins sociable, je suis plus du genre à les juger au loin et à leur inventer une vie. Mais ça aussi, c'est un petit bonheur, là. Par exemple, moi, j'ai décidé que les derniers arrivés dans notre bloc, c'était des Mormons. J'ai aucune preuve, aucune preuve, mais j'ai décidé ça. C'était un harem quand ils sont entrés, donc c'est normal. C'est ça? Il était comme 8 femmes avec un... Non, je sais pas, je pense qu'ils sont juste français. Non. Puis, c'est parce que... J'ai trouvé bizarre, puis à un moment donné, ma belle-sœur, elle me dit « As-tu remarqué qu'ils se stationnent derrière, mais qu'ils font le tour du bloc et rentrent par en avant? » Fait que là, on se dit « Hein, ils sont bien bizarres, ils doivent être mormons. » Mais c'est totalement gratuit. Tu viens de te mettre dos à dos. Luca au complet. Ouais. Et maudit. Ensuite, finalement, ben, je pense que ça, c'est le gros fun du déménagement. C'est la pendaison de crémaillère. Oui. Donc, une fois installé, c'est la tradition de faire le party pour inaugurer notre nouvelle demeure. Hein, quelle belle excuse pour boire puis inviter des amis. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression de pendaison de la crémaillère? Oui, JP, est-ce que tu veux nous instruire? Ah, ben OK. Ben, j'y vais comme ça. La crémaillère, c'était pas la grosse chaudière le temps que tu mettais sur le feu pour justement inviter tes amis à venir manger une bonne soupe ou une bonne chauderie. Une chaudière. En fait, c'est pas la chaudière, c'est le crochet. Ah, le crochet, c'est ça. Sur lequel on accrochait le chaudron. Donc, c'est une tradition médiévale. OK, donc, à la fin de la construction d'une maison, ben, il était coutume d'inviter toutes les personnes ayant contribué aux travaux à venir manger afin de les remercier. Donc, au Moyen Âge, la cuisson se faisait avec une marmite dans l'âtre de la cheminée. Donc, afin de faire cuire plus ou moins fort la nourriture, on utilisait une crémaillère. Donc, ça permettait de pendre la marmite plus ou moins près du feu. Donc, c'est une espèce de petit crochet à étage. Donc, on pouvait choisir la hauteur de la marmite. Donc, comme c'était la dernière chose qui était installée dans la maison, ça marquait la fin de l'emménagement et le début du repas de remerciement. Donc, la pendaison de crémaillère, c'était donc une façon de dire aux amis et à la famille, « La maison est finie, nous pouvons festoyer ensemble. Oh. » Oh. Intéressant. Ben, c'est tout pour mes petits bonheurs du déménagement. J'en ai quand même trouvé plus que je pensais au départ. Pour vrai? Donc, c'est impressionnant. Parce que moi aussi, j'ai déménagé une bonne dizaine de fois dans ma vie. Puis non, j'avais pas pensé à tous ces Mais on s'entend, quand on est jeune, on n'a pas vraiment à faire des boîtes tant que ça. T'sais, au pire, on s'occupe de notre chambre, on fait une coupe de boîtes, mais finalement, ta mère arrive en arrière. C'est pas vraiment optimal comme boîte. Laisse faire, je vais le faire. C'est pas feng shui. En passant, je m'excuse, maman, je t'imitais pas toi. C'était une my random. OK. Pourtant. Non, je me souviens pas vraiment de quand j'ai défait les boîtes. On dirait que j'ai jamais vraiment participé au faisage de boîtes dans ma jeunesse. Mauvaise fille. Non, mais je m'en souviens juste pas. C'est comme un blocage. Ouais. Moi, dans l'anti-petit bonheur... L'anti-bonheur. L'anti-petit bonheur, j'ai jamais retrouvé ma télécommande que je pensais retrouver quand j'allais déménager. Oh. je m'étais fait plein d'attentes. Je me suis dit, ma télécommande, je vais la retrouver. Puis là, tu vides ton appart, il reste plus rien. Puis t'es pas tombé sur la télécommande. T'es assez stupide dans tes fesses. Oui, c'est ça, depuis ça. C'est pour ça, à chaque fois, je change de poste. Je suis comme, wouh! Ouh! C'est souvent TVA, parce que tes fesses aiment TVA, parce que TVA, c'est de la fesse. Bleu nuit, ça joue plus. Just saying. C'était pas à TVA, Bleu nuit, c'était à TQS. Ah! Je parlais de fesses comme parce que je voulais pas dire que c'était de la main. C'était ça que je voulais faire, mais ça a pas marché. Du caca de fesses. C'est ça, du caca de fesses, contrairement à du caca de bouche, genre, ou du caca d'yeux. voilà pour les petits bonheurs. Moi, si je pouvais rajouter, comme j'ai fait sur Facebook, moi c'est mon chat que j'aime voir dans des déménagements. Tu sais, qui se lance dans les boîtes. C'est ça, qui couche ses boîtes, qui rentre dans les boîtes, qui court après les boîtes, puis après ça, qui se court partout dans le logement, puis il sait plus ce qu'il fait. Puis là, Steph, elle me disait que j'étais cruel. Je comprends ça. Ben non, mais c'est parce que le chat, c'est quand même une grande adaptation. Là, c'est un stress qu'on impose à nos animaux domestiques. Ouais. Il y a une façon de les déménager sans les traumatiser. En acheter un nouveau. Oui, dans le fond, il faudrait que chaque appartement soit doté d'un chat de compagnie. Oui, à la base, oui. Puis tu déménages, mais le chat reste là. C'est comme des fois les stores. Hein, des fois, on laisse les stores là ou le miroir de salle de bain. Mm-hmm. la poubelle de la chambre d'amis. Oui. Moi, je l'ai laissé là. Quand je suis arrivée dans un des appartements, mon pas celui-là, là, mais l'autre avant, je suis arrivée puis il y avait déjà la poubelle dans la chambre d'amis puis il y avait un polar dans le garde-robe. Une petite veste dégoûtante. Hey, on se quitte en musique, Steph? Oui? Tu nous as choisi une chanson. Je vous ai choisi une chanson et c'est Move de Town to Get Down, Stay Down. Right now! Your body does not stop, no start with me. You are good at what you do. You are bad at what you mean. Oh, how you love me like a sin. How tall my leaving reasons grew. I could not stand, I had no center. It's just paper being moved. Get down, stay down. Et la pièce Move dans la chronique Les Petits Bonheurs de Stéphanie. Oui, yeah. Ça n'a aucun rapport avec le déménagement, mais il y avait Move. Ça s'appelle Déménage. Ah ouais. Ou Bouge. Non, Déménage. Déménage, mais on va l'adapter en français sous Déménage. Ouais. On traduit comme on veut. Déménagement en folie, comme diraient les Français. Ou drôle de déménagement. Les Petits Bonheurs, une chronique qui déménage. Oh oui! Donc, on te remercie pour ta chronique. Ben, ça fait plaisir. Et on se retrouve dans une semaine pour Zone Campus et dans deux semaines pour un autre Petit Bonheur. Oui, donc, dans une semaine, ça va être à quelle heure? C'est à 8h, une semaine sur deux. La chronique du Zone Campus est le mercredi à 8h. Okay. Ça, c'est mon côté non givré de mini wheat. Le côté un petit peu fibreux. Oui. Et l'autre semaine alternative, c'est à 9h pour les Petits Bonheurs. Oui, le côté givré. C'est ça. Le fun est à 9h puis le plat est à 8h. C'était parce qu'on voulait pas que les gens se créent une dépendance au plaisir, c'est tout, ça. Oui. Fait qu'à la place, on met ça plate. Pas que Véronique est plate dans la même case horaire à l'autre semaine, mais là, on s'en bouffe dans les détails. Oui, on s'en fait dans les points. Ouais, je pense que tu... Allez voir le petit calendrier sympathique sur assemblagerequis.com. Vous allez voir les 4 chroniqueurs par jour et dans quelle heure ils sont. Je pense que c'est le mercredi le plus complexe, là. Oui, hein? Oui. Ben, hier aussi, c'était complexe. Ouais. OK. Bref, ça a bien été. Les jours se battent pour être complexes. Oui. Donc voilà pour les petits bonheurs et voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est tout pour notre 2 heures ensemble. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Oui. Veux-tu savoir ce qu'on a demain? J'aimerais ça. Je vais te le dire en détail. Demain, on a David Ferron qui va venir nous donner un bon coup de langue dans ton oreille. Là, je voulais plus le savoir. Tu le mérites. En tout cas, François Landry qui va être là pour sa prolifique chronique politique Logocratie 101 et Joanie Gagnon qui va planifier votre agenda de sortie culturelle. Alors, on sort, c'est demain à Assemblage Requis. Restez sur nos ondes parce que, évidemment, à 11h, ce sera Dîner de cons. Avant ça, il y a les précieuses ridicules. En reprise. En rappel, oui, à partir de 10h. Après Dîner de cons, en après-midi, c'est qu'on va être ensemble. Émission de périnatalité. Ensuite, des émissions que vous avez manquées. 14h, le voyage insolite et 15h, la vie en mauve. À 16h, je serai de retour en direct pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et c'est à ton compagnie de Marie-Ève Picard. On parle de choses geek. À 17h, Stéphanie Paradis et moi. Oui. Pour les Palmarès Cifou édition top 5. À 19h, Rap Fusion. Voilà pour votre programmation qui est sur Cifou.ca. Oui, et puis exceptionnellement, pour ceux qui nous écoutent mercredi, on va avoir la tribune. Oui. De la course. L'élection municipale. Exactement. Ça commence à midi sur nos ondes. Donc, le dîner de con va être écourté de 11h à midi. Oui, ou peut-être même inexistant, je crois, aujourd'hui. Ah, ouais. Mais soyez... On va s'arranger de mettre de quoi. Hein? On verra. On va t'arranger ça. Mettre quelque chose. C'est le fun. Okay. Voilà, donc soyez-y à midi. Puis, bonne journée. Oui. Merci à Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Merci à Ingrid Arneberg. Oui. Ça merci fait plaisir. À Véronique Mire. Ah, ça fait plaisir. Pas Sébastien Dulude. Ça fait pas plaisir. Non, pas tant. Mais bon, on va s'arranger. À demain. Bye. Bye.